Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro du Jeu Vidéal. Aujourd'hui nous sommes en 2016, nous sommes en janvier et donc c'est une nouvelle année qui commence avec mes comparses tout aussi ringards que cette musique incroyable qui nous accompagne, mais c'est pas pour ça que je les ai foutus à la poubelle pour commencer cette nouvelle année vidéoludique. Et je suis accompagné avec, alors je vais commencer par Matt parce que la dernière fois il a fait comprendre qu'il est un petit peu vexé d'être toujours au moins deuxième. Alors bonjour Matt. Salut, bah écoute, je suis un peu perturbé, j'ai des souvenirs qui me remontent de mariages dans lesquels passait cette fabuleuse musique. Ah bah là on est bien, après il y a la chenille, tout ça, on va être pas mal après. J'espère que j'ai moins m'ennuyer que dans les mariages suscités. Alors je pense que les gens de la SACEM l'auront reconnu, donc c'est le dire qu'on va donner des sous à Thierry Hazard. Et on continue avec Rhône dans le coin des ringards. Comment ça va Rhône? Le pas à la... Non, ça va. Je suis de bonne humeur, je suis content d'enregistrer. J'en veux même pas, Matt, de m'être passé devant en première position dans les présentations. Enfin, ça va pour cette fois. Hein. On pourra quand même faire un roulement. Bon bah écoute, ça me rassure. On continue cette fois avec DJ Barbe qui est de retour encore une fois pour parler de jeux vidéo avec nous. DJ Barbe, joueur PC hein, comme notre comparse Matt. Comment ça va, Barberousse? Bah ça va très bien avec de la bonne musique bien récente, c'est formidable, entouré de gens au top. Ah bah on s'est dit 2016, c'est l'année de l'actu, c'est l'année du modernisme pour le jeu vidéo. Et donc des autocollants pionniers à gagner. Ah non, ça, c'est très classe pour décorer vos enceintes. Et un bon point vert gratuit. Et bah écoutez, je vois que tout le monde est prêt, nous sommes accompagnés du Jerk et aujourd'hui on a plutôt un gros sommaire puisqu'on va commencer par discuter d'accessoires, hein, ces accessoires qui égayent nos soirées quand on veut s'amuser à tirer avec des guns sur la télévision ou à danser ou à jouer de la guitare, puisque on a voulu marquer le coup avec l'arrivée de différents accessoires chez Valve, hein, qui nous a préparé deux systèmes pour pouvoir commencer à conquérir le salon pour les joueurs qui aiment jouer sur le canapé. Et c'est Matt qui nous parlera un petit peu plus tard du Steam Link et du Steam Controller. Et donc on va se lancer tranquillement vers la première partie. Le jeu vidéo. Le dossier. Et en 2016, on reprend les bonnes habitudes, on libère le grognon, hein, on a essayé de le planquer un petit peu pendant les périodes des fêtes parce qu'il aime bien un petit peu faire chier le Père Noël, et donc voici le grognon qui revient pour nous parler de jeux vidéo. Voici l'instant grognon. Moi, j'aime pas. Sur le fond, un périphérique, c'est plutôt une bonne idée. Mais comme d'habitude, on ne va pas au bout des choses, ce qui le rend d'un seul coup critiquable. Ainsi qu'un périphérique puisse être payant est une absurdité, puisque cela en limite fortement l'impact. De la même façon, quand il n'est pas bien dimensionné, il devient pratiquement inutile. Et on pourra toujours klaxonner et hurler que le raccordement porte de bagnolet est mal foutu, cela n'empêche pas que... Non mais attends, t'es en train de parler de quoi là? C'est pas le sujet, on parle de périphérique, d'accord mais... Merde, pardon. L'accessoire. Désolé. Désolé. C'est dommage, j'avais préparé quelque chose de super bien sur les périphériques d'Europe, notamment le Ring belge et ses numéros de sortie sans indication de là où on se trouve. Bon, ok, je me recentre. Laisse-moi me concentrer. 3, 2, 1. De tout temps, l'homme a toujours voulu plus, ce qui est une de ses caractéristiques majeures. Pourquoi se contenter du minimum? En général, cela commence par des accessoires très simples qui permettent fondamentalement de faire la même chose, mais en agissant comme facilitateur. Mais rapidement, la normalité ne suffit plus. Et après tout, pourquoi pas? Pourquoi se contenter de classicisme quand quelques accessoires permettent de jouer de façon bien plus poussée? Par exemple, on pourra jouer au malade et l'infirmière, ou bien au prisonnier à la merci de son bourreau. Et cela avec juste un déguisement sommaire et une paire de menottes. On pourra bien entendu aller beaucoup plus loin. T'es relou, grognon, à un moment tu te calmes, on est dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, périphérique, jeu vidéo. Alors, mire, tu te concentres, tu focus. Là, les gens ils vont zapper, ils vont nous prendre pour des cons. Alors Jack il y va, là, Jack c'est limite, mais on y va là. C'était pas fun franchement, les accessoires dont je voulais parler ça aurait fait un carton d'audience. Ouais. Bon, ok, les accessoires pour jouer aux jeux vidéo, allez, 3, 2, 1. L'accessoire est probablement né avec le jeu vidéo. Comment jouer à Pong sans un contrôleur, que celui-ci soit un clavier, et donc un périphérique, ou une manette, et donc un accessoire? Par commodité, on va donc parler d'accessoires seulement quand on évoque quelque chose qui est suffisamment différent de ce qui existe déjà et qui est le plus commun. L'arcade était très friande de ça, tout comme les consoles pendant longtemps. Le but est simple, augmenter l'expérience de jeu, pas seulement avec ce qu'il y a sur l'écran, mais plutôt par le contrôle ou l'environnement. Bon, je vais avoir du mal à jouer mon rôle de grognon, là, je dois bien l'avouer, car je suis plutôt amateur de tous ces trucs-là. En arcade, impossible de ne pas essayer un jeu qui proposait une borne un peu différente des autres. Et à la maison, il me fallait les flingues, bien entendu, j'adorais le concept de VMU de la Dreamcast, et j'ai plongé la tête la première dans Kinect, même s'il n'était pas totalement au point dans sa première version. Il y a des années, quand les machines singeaient l'arcade, c'était cool d'avoir des accessoires. Puis avec le temps, ils sont devenus un peu méprisés. Des trucs de casual dont les vrais joueurs, ceux qui ont une manette normale dans les mains, peuvent se moquer. Eh bien, ce sont eux qui m'énervent finalement. On est ridicule quand on joue à Kinect ? On va l'être encore plus avec un casque de réalité virtuelle ? Ouais, peut-être. Plus ridicule qu'un mec hypnotisé par Call of, le regard vide et bovin immobile devant son écran ? Ou bien plus que cet autre joueur, version classique, qui bugle comme un cochon à l'abattoir à chaque fois qu'il se fait tuer ? Le joueur, pas le cochon. Oui, parce que le cochon, une fois mort, lui, il fait plus de bruit. Mais qu'ils aillent se faire pendre, ces ricaneurs du dimanche, qui ne réalisent pas que leur posture fait également beaucoup rire ceux qui n'ont pas leurs prétentions. Les accessoires, c'est ce qui nous rappelle que les jeux vidéo sont des jeux, avant tout. C'est une petite dose de fun, de folie, un moyen de s'amuser. Et ça marche. À moins de se la raconter et d'avoir une fausse pudeur, on s'amuse vraiment avec le volant en plastoc de la Wii pour jouer à Mario Kart. On prend des poses de rocker pour déclencher le multiplicateur de Rock Band, et avec ses potes, on se met à bouger la tête en faisant comme si, quoi. La guitare et la batterie sont pour beaucoup, et celui qui prend la même pose avec juste sa manette classique aura surtout l'air, pour le coup, bien con. Il paraît qu'on est ridicule quand on joue avec Kinect ? Ouais, sans doute. Et alors ? Après une série de défis à Kinect Sport, on aura quelques courbatures le lendemain, dans les cuisses, mais aussi aux abdos, car on se marre au moins. C'est le fait de faire semblant qui est ridicule, c'est ça ? J'aimerais bien comprendre. Ceux qui pratiquent le paintball sont donc ridicules, j'imagine ? Et quand on joue à FIFA, on fait pas semblant de jouer au foot ? Il y a un semblant qui est bien et un semblant qui ne l'est pas. Les accessoires, c'est ce qui nous permet de faire comme si, comme quand on était gamin. C'est une vision loisir du jeu vidéo. Et alors ? Ce n'est pas un loisir, peut-être ? Messieurs les sérieux méprisants, quand je vois à quel point vous avez l'air de vous éclater, avec de gros guillemets, sur vos jeux, je me dis que les gamins de 5 ans qui gigotent en jouant Just Dance sont plus des gamers que vous. Vive les accessoires tordus, les périphériques absurdes. Sans cette logique, on en serait encore à la manette de l'Atari 2600. Et même en dehors des jeux vidéo, tout ce qui est qualifié d'accessoire un jour devient indispensable ensuite. Les essuie-glaces, le four à micro-ondes, la télé couleur. Bref, la démonstration est sans appel, les accessoires, c'est l'avenir de l'humanité. Eh ben dites-moi, nous sommes en 2016, alors déjà je tiens à saluer nos formidables talents d'acteurs, parce que je pense qu'on mérite le Redzi. Awards, là c'est la folie pure pour le jeu vidéo en 2016. Ouais, et c'est de la performance. Hein. Et nous avons un grognon qui défend Kinect, qui défend les accessoires de plastoc et qui défend le fun. Et ça c'est beau, donc aujourd'hui tu as décidé d'attaquer carrément les joueurs trop sérieux, mon petit Rhône. Ouais, on prend des risques aujourd'hui, c'est comme ça, le 2016 c'est l'année du risque. Alors, je vais te laisser la parole et on va enchaîner avec toi et tu vas nous décrire un petit peu ce qu'est pour toi. Alors, un accessoire dans ce vaste monde qu'est le jeu vidéo, c'est quoi un accessoire de console ? On va commencer par les consoles d'ailleurs, tu vois. Alors, on va ranger la panoplie du grognon au placard. On est en train de parler aujourd'hui d'accessoires et de périphériques. Alors déjà, je voudrais faire une petite différence entre les deux. À quel moment on parle d'un périphérique ? À quel moment on parle d'un accessoire ? Je pense que le périphérique, il y a une notion utilitaire derrière. On va appeler ça, par exemple, c'est le lecteur CD qu'on rajoutait, le Mega CD pour la Mega Drive. Ça va être le RAM Pack pour la Nintendo 64. Absolument, le 32X. Hein, voilà, le 32X. Cette notion va même plus loin pour le PC, puisque c'est également le clavier, hein, la souris, c'est même comme ça que ça s'appelle dans Windows, hein, c'est un périphérique. À l'inverse, l'accessoire, c'est ce qui va augmenter l'expérience de jeu, le plus souvent pour permettre de simuler une action réelle. Alors les exemples les plus connus, c'est bien sûr le volant pour jouer au jeu de course, ou bien le flingue pour défoncer la tête de ces zombies dans House of the Dead. Ah, ça c'était bon ça. Et ça l'est toujours bon, d'ailleurs. Mais ça l'est toujours, et en gros, voilà ce que sont les accessoires et les périphériques. Moi je pense que cette définition s'applique aussi bien finalement sur les consoles que sur les PC, même si on va peut-être trouver un peu plus de l'un ou un peu plus de l'autre sur un support ou sur un autre. D'ailleurs, je vais donner la parole un petit peu à Barberousse et même à Matt, si tu veux réagir. Tu as le droit, hein, Matt, tu es comme chez toi ici. C'est gentil. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus d'accessoires, donc vraiment le côté, on en parlera un petit peu après, le côté vraiment jouet-jeu sur console que sur PC? Et pourquoi, à votre avis, il y a une telle différence quand si on regarde des consoles comme la Wii, c'est une console qui a énormément d'accessoires. Par contre, sur PC, principalement, on retrouve du volant, justement. Alors, parfois du gun, même si c'est plus compliqué, mais c'est vraiment plus classique, entre guillemets. Barberousse. Ah bah, ça, à mon avis, c'est assez simple. Vu qu'il y a toute une panoplie d'accessoires par console, il suffit de multiplier le nombre d'accessoires d'une console par le nombre de consoles, et on a énormément de merdouilles d'accessoires possibles. De merdouilles? Oh, bah, largement. Tu n'aimes pas la merdouille des accessoires, Matt? Je dirais même, en plus de merdouille, je dirais même gaminerie, puisqu'effectivement, sur les consoles, on va être sur des sur des publics plus jeunes. Et là, je sens que je vais commencer à vous gonfler. Mais si tu foutrais des amiibo sur PC, podcast, ça passerait peut-être moins bien, quoi. Mais pourquoi? Donc pour toi, jouer avec le flingue de Time Crisis, c'est pas du vrai jeu? Mais si, après, je fais une généralité, mais effectivement, peut-être que, voilà, on se rapproche plus du côté jouet à ce moment-là dans les accessoires, et c'est peut-être pour ça que tu vois moins ça sur PC. Et au niveau, je veux dire, nous, sur console, enfin, quand je dis nous, j'aime bien à chaque fois cette distinction que je fais de manière naturelle dans ce podcast, c'est quand on joue sur console, nous, on a notre manette, donc de base, on va... C'est vraiment le périphérique pour nous principal de notre console. Par contre, pour vous, le clavier et la souris, donc on sait que c'est un périphérique de PC, mais c'est votre contrôleur principal de base. Ouais, mais tu peux regarder, de plus en plus, la manette se démocratise sur ordi. Quoi. Pardon? Yeah. On de pas plus le choix, en plus, c'est pas de notre faute. Mais c'est fou. De plus en plus, la manette se démocratise sur ordi, ouais, que ce soit celle de Xbox ou... Et tu as mal quand tu dis ça ou... Bah non, mais il y a des jeux pour lesquels c'est pas la peine, genre Counter-Strike, Dota et autres. Red Dead? Mais voilà, mais il y a des jeux pour lesquels la manette est effectivement beaucoup plus intéressante. À plein de jeux comme Super Meat Boy ou autre, sur clavier c'est très jouable, mais c'est beaucoup plus sympa avec la manette. Pourtant c'est un petit peu un jouet, alors comment est-ce que tu vis ça? Bah plutôt bien, puisque j'ai commencé sur console quand j'étais jeune, donc ça me rappelle des souvenirs. Parce que justement, je parlais tout à l'heure des consoles, et justement, c'est Nintendo a toujours été très très fort là-dessus, et c'est clair que on voit quand même principalement tous les petites conneries, comme disait justement Barberousse tout à l'heure, toutes les petites choses qu'on a au fur et à mesure, des trucs même à usage unique de temps en temps. Alors je sais pas si c'est vraiment la console NES qui a commencé à lancer le plus d'accessoires. Non. À mon avis, on faut carrément remonter à la Game Boy. Game Boy? J'en monte plus loin encore. Ouais. ColecoVision. Ah non, ouais, bah, on a eu la Game Boy. La Game Boy. Et donc, parce que, ouais, vas-y. Parce qu'elle, c'est celle qui a été vendue au plus grand nombre. Mm-hmm. Et surtout, c'était une console portable. Donc, ça apporte énormément de petits accessoires, des batteries en plus, la loupe à la con, avec un petit rétroéclairage. La caméra. Les premiers selfies. La petite imprimante. Les écouteurs et tout. On a eu un millier d'accessoires de merde. Si en plus on va compter la petite sacoche pour porter les jeux, la sacoche dure en plastique pour mettre la Game Boy et tous les jeux dedans, c'est elle qui, à mon avis, qui a apporté cette idée d'accessoire et d'espèce de méga transformer moche qu'on peut avoir au final avec la Game Boy. C'est que tu rajoutais un peu tout ça, rien qu'avec l'espèce de grosse loupe, ta console portable est un petit peu compliquée à transporter. Mais tu voulais parler de la ColecoVision, il y avait quoi sur ColecoVision, Ron? ColecoVision, c'était, elle vivait en même temps que l'Atari de 2600. Mm-hmm. Et la ColecoVision, elle avait déjà un volant, elle avait déjà un flingue et un périphérique que j'avais adoré, qui était un gant de boxe pour jouer à Rocky. Oh my god, c'était avant le Power Glove. Eh ouais, exactement, ouf, bien avant, hein. C'était juste un gant où en fait il y avait 4 boutons à l'intérieur de la poignée, en gros, hein, pour donner les coups, c'est tout. D'accord. À vrai dire, c'était très peu pratique, mais enfin, jouer à Rocky avec un gant de boxe quand même, merde. Mais est-ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion de tester, justement, je parlais de la Nintendo, mais tous les accessoires devenus cultes qui sont quasiment pas vendus, comme justement Rob le Robot, Power Glove, toutes ces choses-là, c'est des choses que vous avez déjà testées ou pas? Ah, Rob le Robot, oui, ouais. C'est pathétique, mais oui. Power Glove, non, j'aurais bien essayé pour le faire. J'aurais bien aussi, du coup j'en vois toujours dans les... Maintenant on en voit beaucoup dans les films des années 80 ou dans les films qui tentent justement de rappeler l'ambiance années 80, notamment bah, il y a eu le Kung Fury, je crois qu'il s'est utilisé notamment dans ce film-là, il y a de plus en plus de symboles dans les films qui se veulent ancrés dans les années 70-80. Donc c'est vrai que c'est des objets qui, malgré on va dire leur impopularité, pardon, ont atteint un statut culte. Comment ça s'explique alors que justement à une époque c'était des produits qui étaient quand même assez boudés? Bah, ça a deux, à mon avis, deux origines. Le premier, c'est l'origine de l'arcade. D'accord. C'est un jeu vidéo, c'est classe, il y a la performance, et puis il y a le côté, entre guillemets, simulation du gant, le robot, ouais, c'est classe, c'est génial, c'est un deuxième joueur. Et puis si tu veux reprendre une référence un peu plus obscure, c'est le NES Advantage. Je sais pas si vous vous souvenez ce que c'était. C'est une sorte de stick pour NES. Oui, exact, oui. Avec des boutons turbo automatiques, c'était vachement bien. Et celui-là, il est utilisé dans Ghostbusters 2. Ah oui, exactement. C'est le machin qui permet de faire marcher... Le Bibanum Chamallow. Non, la tour... La statue de liberté. La statue de liberté, exactement, voilà. Exactement, ouais. Ça, je me rappelle. C'est tellement typique des années 80, cette folie de l'accessoire, que c'est même arrivé jusque dans les films. Parce qu'il y a le zapper, etc. C'est vraiment des produits qui sont rentrés dans la culture, justement, des joueurs et même de la pop culture en général. Alors, on va avancer un petit peu et on va donner la parole à Matt. Et justement, je faisais un petit peu la séparation tout à l'heure des accessoires console et des accessoires PC. Et donc, il va nous parler de l'accessoire Steam Link et du nouveau Steam Controller qui est arrivé en fin d'année dernière. Et il semblerait que le Père Noël a été plutôt gentil avec lui, puisqu'il a eu les deux, le coquin. Eh ben écoute, oui, carrément, ma wishlist a été observée et attentivement respectée à la lettre par le Père Noël. Donc, on va commencer par le Steam Link, si vous le voulez bien. Oui. Donc à 54,99€, il est arrivé en quelques jours sous le sapin, tout comme le Steam Controller, d'ailleurs dans un packaging de ouf gueudin, qui ferait limite pallier Apple, d'ailleurs. Ah, est-ce qu'ils auraient pas mis plus d'argent dans le packaging que dans la manette? Bah là pour l'instant on est sur le Steam Link. Ah, excusez-moi. Donc là pour ceux attends pour la manette. Voilà, pour ceux qui connaissent, ça fonctionne un peu comme un Chromecast, donc qui te permet de diffuser le contenu là cette fois-ci de ton ordinateur de ta session Steam sur la télé. Donc c'est un petit boîtier que tu peux raccorder en Ethernet. Là en fait tu as deux ports USB qui permettent de brancher à la fois manette et ou clavier. Ça c'est bien. Et donc ça tire parti du Big Picture, le mode de Valve qui permet de parcourir ta bibliothèque Steam entièrement à la manette. Et ça c'est très bien, je pense qu'ils ont vraiment bien bossé sur le Big Picture. Je sais pas si vous avez pu tester un peu ce mode-là, ou si vous en avez eu l'utilité. Moi j'ai pu tester un petit peu, ça fait un moment, ça arrivait quand, l'année dernière, je sais peut-être même avant, je sais plus. Il y avait des versions bêta depuis un moment, mais ça a été diffusé, oui, que l'année dernière, je pense. Donc, du coup c'était en prévision, justement, ils voulaient vraiment conquérir la télévision et le canapé, et c'est vrai que le Steam Link a l'air vraiment d'aller dans ce sens-là. Voilà, exactement. Donc le Steam Link, c'est formidable, sauf qu'il y a un léger retard dans la diffusion. Ah. Alors ça reste absolument dingue de pouvoir te taper l'intro de Ori and the Blind Forest sur la grande télé du salon, mais une heure de jeu plus tard, quand les niveaux de Ori commencent à se compliquer, la légère latence, elle devient vraiment trop pénalisante dans le gameplay. Est-ce qu'on parle encore de légère latence quand c'était vraiment handicapant pour un jeu de plateforme? Bah, ça devient totalement rédhibitoire, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Par exemple, autre exemple sur Rocket League, quand tu fais une partie sur Internet, c'est insupportable. Le petit moment de décalage, ça te fait complètement louper tes trucs. Enfin, tous les jeux qui se jouent un peu sur le réflexe comme ça, c'est impossible. D'autant plus que tu parles d'un jeu vraiment en ligne. Donc là, Rocket League, voilà. C'est impardonnable, on va dire. C'est ça. Donc après, sur du jeu narratif, Life is Strange, Walking Dead éventuellement, sauf les petites séquences de QTE que j'ai pas encore testées. À mon avis, c'est pas du tout dérangeant. D'accord. Moi d'ailleurs, personnellement, ça va être un achat que je vais pas regretter parce que, enfin, un achat, c'est le Père Noël, donc c'est un peu différent, c'est un cadeau. Ah oui, j'allais dire, t'es en train de briser des rêves. Voilà, c'est ça. Parce que, en fait, tout simplement, c'est un équipement qui va me permettre de jouer avec madame sur la télé du salon, et ça c'est juste génial. Après, à voir si effectivement on va pouvoir compter peut-être un jour sur une mise à jour. J'ai cette naïveté de croire qu'il y aura peut-être une mise à jour. logiciel qui permettrait d'effacer ce problème. Et j'espère surtout qu'on va pas être dans la première génération de produits destinés à être imparfaits, et que dans un an, t'auras le Steam Link 2 qui débarque, et que j'aurai pas à me retaper un achat à 55€. Alors, petite question bête, est-ce que ça pourrait venir de ta connexion Internet, ou est-ce que des gens qui auraient la fibre, par exemple... Quoique non, toi, tu veux avoir la fibre, non? J'ai la fibre, c'est vraiment global. C'est vraiment global. Cependant, voilà, après, c'est vraiment sur des jeux particuliers que ça va être gênant. Mm-hmm. Je pense à un jeu comme Towerfall, que nous on joue en 1-1, donc sur la télé. Au tout début, quand t'as l'habitude de pas avoir de latence, c'est un tout petit peu dérangeant, mais en fait, comme les deux sont pénalisés de la même façon, au final, ça pose pas du tout de problème. Et même au bout de quelques parties, en fait, tu t'habitues, tu prends en compte le petit retard, et voilà, on a pris énormément de plaisir à jouer à ça, et c'était sans aucun problème, quoi. On a pas souffert de cette petite latence. Un premier avis, c'est que Rhône, t'étais aussi assez dubitatif, t'as pu le tester chez un ami à toi, et t'es pas ressorti ultra convaincu. Moi. Ben oui, moi j'avais pas été convaincu, mais je pensais que c'est parce que c'était pas bien installé, etc. C'est vrai qu'on avait essayé un peu à l'arrache, mais là ce que dit Matt me déçoit vachement. J'ai l'impression que projeter un PC sur la télé, ben ça, surtout en prenant comme exemple Ori, ça fait finalement console du pauvre, quoi. Mm-hmm. On joue, alors ça peut-être être adapté à certains types de jeux, mais j'avoue je suis déçu parce que je trouve le concept hyper intéressant. J'attends depuis longtemps qu'il y ait une convergence, que cette faction PC ou console m'ennuie au plus haut point. Moi, je préférais avoir une seule machine, ça m'irait très très bien. Mais ce que j'entends ne me convainc pas. Ça fait des années que je joue avec une console où j'ai zéro latence. Donc, ce qui m'a gêné quand je l'ai essayé, ben, je suis triste d'entendre que non, c'était pas lié à des réglages, quoi. Et que finalement, c'est vrai. Moi, je trouve ça très gênant. Moi, qui suis habitué à n'avoir aucune latence. Pour moi, c'est ben voilà, je suis déçu. Là, je suis déçu. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Barberousse. T'as eu l'occasion de tester ou d'entendre parler un petit peu de cet objet-là? Pas du tout, enfin juste vaguement sur quelques sites spécialisés sur Internet, et c'est vrai que le résultat est pas à la hauteur des attentes. C'est pas un peu triste qu'on s'attendait? Je pense que beaucoup de personnes s'attendaient à un gros coup de la part de Valve. D'ailleurs, il y a eu pas mal de choses, pas mal de gros coups venant justement du SteamOS, du Steam Controller. Ça a été annoncé, c'est arrivé un petit peu comme ça en catimini en fin d'année dernière. Enfin, tout est arrivé un petit peu comme ça. Alors, à l'arrache, non, parce que ça en a quand même parlé pas mal, mais est-ce que c'est pas un aveu d'échec, mais est-ce que c'est plus compliqué que ça, justement, d'essayer de toucher un public plus large que les consoleux? Bah, le problème, c'est que le seul gros coup, il est autour de l'écharpe de Gabe Newell, quoi. Pour l'instant, ils se sont un peu plantés. C'est la première fois qu'ils font du matériel, ils ont vraiment du mal, hein. D'accord. L'idée est là, mais c'est pas encore ça. C'est pareil pour les Steam Machines, là. Parce que franchement, on flop, ouais, on n'entend plus parler. Tout le monde s'en fout un peu, parce que finalement, c'est quoi? C'est un OS gratuit qui permet de jouer aux jeux Steam, mais est-ce qu'au final, n'importe qui, enfin, même moi avec mon Mac, j'arrive à jouer à certains jeux Steam. Enfin, ouais, c'est pas trop. C'est un peu bizarrement mis en place, je trouve, ce système-là. Et donc, du coup, moi, je m'attendais aussi à avoir un Steam Link qui me permettrait peut-être à mettre ça sur ma télévision, jouer à quelques petits jeux tranquillement sur la télé. Mais c'est vrai qu'au final, est-ce qu'il vaut mieux pas attirer? Alors, si on a le PC portable avec un câble HDMI, bah, y a pas de problème. Après, c'est clair que ça peut aider des gens qui sont un peu plus loin, un peu plus éloignés de la télévision, mais si vraiment ça peut gâcher l'expérience, je trouve ça un petit peu dommage. Matt? Bah, pour moi, effectivement, il faut bien être au courant de cette petite latence, ouais. Et savoir que du coup, ça va pas satisfaire tous les usages, quoi. Si tu veux jouer à CSGO sur ta télé, ça va pas le faire. D'accord. Donc, globalement, pour l'instant, on va dire mi fig, mi raisin, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. Après, moi, voilà, j'en suis toujours content parce que voilà, il y a plein d'usages que je vais pouvoir faire, bah, tout simplement sur la télé du salon, et c'était l'objectif. Mm-hmm. Après, effectivement, c'est mi figue mi raisin. D'accord. Donc, le Steam Link à 54,99€, à bien réfléchir en fonction de votre expérience de jeu désiré, en gros. Et à l'avantage de pas être cher, quoi, hein, parce que là, quand je disais tout à l'heure console du pauvre, c'est un peu violent parce que pour ce prix-là, finalement, bah, on a aussi ce qu'on paye. Une console, ça coûte plus cher, hein. C'est pas 54€. Sauf que là, c'est un système de diffusion, c'est pas vraiment une console, entre guillemets, c'est plus un diffuseur pour ta télévision, comme il expliquait, par rapport à Chromecast. Pareil, Chromecast, t'as pas la même qualité que si tu regardais ton film directement sur la télévision. Tu perds quand même un petit peu en qualité. Bon, après, c'est un peu moins gênant quand même, parce que là, c'est clair que de la latence sur des jeux comme Rocket League, bah, c'est impossible à jouer, quoi. Enfin, ou alors, t'es vachement pénalisé par rapport aux autres. Alors on va passer maintenant à un autre objet qui est un petit peu déçu. C'est le Steam Controller. Le Steam Controller, même tarif, hein, 54,99€. Ah ouais, ils sont alignés au console. Dans un élan d'inspiration assez fou. Là, on est vraiment face à une manette qui est un ovni en fait, purement et simplement. Alors tu peux l'utiliser en sans fil grâce à un petit dongle. Elle fonctionne à pile quand tu l'utilises en sans fil. L'intérêt de cette manette, c'est d'avoir, elle ressemble vraiment à une manette de Xbox 360 en l'occurrence. Avec les boutons A, X, Y, B, un bouton Start, un bouton Select, un bouton Steam au milieu par contre. Ah, chouette. Alors, tout le sel, toute la particularité de cette manette, c'est que tu as deux zones tactiles, une donc à la place des croix directionnelles, donc ce qui fait que tu n'as pas à appuyer sur en haut à gauche pour aller en haut à gauche, il suffit de mettre ton doigt sur en haut à gauche, et tu as une zone également tactile à droite, donc située en haut à droite des boutons A, X, B, Y, et donc c'est censé en fait remplacer la souris, donc que tu puisses jouer à des jeux tels que Civilization et autres avec cette manette. D'accord. Donc alors, concrètement, j'ai pas encore pu tester la manette profondément, d'autant plus que voilà, elle est tellement particulière que il va falloir s'habituer pour en retirer vraiment tout le potentiel. J'ai entendu quelques témoignages de gens qui disaient qu'effectivement, en prenant l'habitude, cette manette était plus efficace que les autres dans beaucoup de cas, mais que effectivement, ça passait par un long temps d'apprentissage. Alors quel cas, par exemple, parce que c'est quand même le comble de devoir t'adapter. C'est plutôt la manette, normalement, qui doit s'adapter un petit peu à notre façon de jouer et pas l'inverse. Enfin, c'est mon avis, mais... Ouais, j'ai tendance à être d'accord avec toi, mais après, tu sens qu'il y a quand même un potentiel oui et non, parce que je vais raconter un peu ma vie. Ah. J'ai testé cette manette sur un jeu comme Her Story. D'accord. Alors un jeu qui n'est pas foufou en termes de gameplay, c'est en termes pas d'input, incroyable. Ouais. Quoi, c'est pas fou. Alors tout bêtement, j'utilisais donc ce pavé tactile en haut à droite des boutons A, X, Y, B pour sélectionner les vidéos pour les lire. Alors le problème, c'est que effectivement, donc tu déplaces le pointeur de la souris avec ce petit truc tactile et quand tu cliques, donc tu appuies sur ce pavé tactile, mais sauf que je sais pas si je vais être très clair, mais quand tu appuies, ton doigt peut légèrement bouger sur le pavé tactile. C'est relou. Et donc, ça fait aussi bouger le curseur de la souris. Et donc, il comprend pas que t'as cliqué sur la vidéo. Ah, génial. Le pied. Donc, tu vois, ça... Donc voilà. Alors, je sais pas si c'est une question d'habitude ou si c'est juste que j'ai la polio. Mais voilà, c'est pas super précis encore. Mais est-ce que la manette est reconnue de base, donc il faut pas faire de réglages, ou est-ce que il faut faire des réglages encore après avoir choisi son jeu? Je sais pas si je suis clair. Alors oui et non. Il y a plein de jeux sur lesquels tu as déjà des configurations standards. D'accord. Et il y a pour tous les autres jeux, en tout cas pour la plupart, parce que ils ont l'avantage de Steam de pouvoir se reposer sur une communauté qui est très grande. En fait, tu vas pouvoir accéder à des configurations préétablies par des autres utilisateurs. C'est un peu le syndrome Fallout, donc... notre truc qui pue, mais amusez-vous avec, quoi. C'est exactement d'accord. Ça. Le syndrome Bethesda. Oui, on peut élargir à Bethesda, exactement. Parce que effectivement, donc tu lances un jeu, tu vas cliquer sur le petit bouton Steam de ta manette et tu vas regarder les configurations préétablies et tu vas voir que la config de Tartampion, elle a été utilisée 750 fois et la config de Luc, elle a été utilisée 3 fois, donc tu vas plutôt te reposer sur la config de Tartampion et tu vas tomber sur un truc qui est a priori adapté au contrôle sur le jeu, quoi. Donc oui et non, c'est plus ou moins adapté, quoi. Parce que il y a encore des jeux sur lesquels il y a pas du tout de config préétablie, quoi. J'ai l'impression quand même que c'est un petit peu étrange cette dualité, parce que d'un côté ce produit il vise le salon, il vise une utilisation finalement qui ressemble pas mal à une utilisation console, tu poses tes fesses dans le salon, tu prends ta manette, mais en même temps on garde cet aspect PC, faut configurer une manette, moi je trouve ça bizarre, quoi. Ils veulent tout faire. Ils veulent tout faire en même temps, en fait. C'est à la limite. En fait, ils ont l'ambition de d'aussi pouvoir simuler la souris, donc ce qui est vraiment pas évident avec une manette. Mais donc, le joueur, c'est un peu les premiers à faire. Le joueur PC, il s'en fout qu'on lui simule la souris. Je veux dire, le joueur PC va continuer à jouer à son clavier souris. Il va pas se faire chier à configurer une manette pour avoir un résultat moins précis ou un peu plus bordélique. Et pareil pour un joueur console ou un joueur entre guillemets casu qui veut pas s'embêter, qui veut jouer à son jeu avec une manette. Il va prendre une manette Xbox One, il va le brancher sur l'adaptateur Steam Link et puis il va jouer encore mieux et plus rapidement que sa manette Xbox One qui est reconnue directement par le jeu. Parce qu'on peut jouer sur Steam Link avec une manette Xbox. Bah écoute, je crois, il y a le port, oui, le port sûr, USB, donc du absolument. Coup tu portes ta manette. Ah bah tu alors, as deux ports USB sur le Steam Link. Ah, faut pas s'emmerder alors. Bah, c'est là où je comprends pas. Oui, mais par exemple, je pouvais pas jouer à Her Story à la manette. Mais tu pouvais galérer avec la avec le Steam Controller. Par contre, j'aurais pu brancher une souris et un clavier pour Her Story. Bah, j'ai été obligé de brancher un clavier d'ailleurs pour taper les mots de manière merde, plus agréable. Ah merde, bah oui. J'avais complètement oui, bah zappé oui. Ça, c'est vrai. Ah le pied, tout ce qu'il faut. Quoi. Le fait qu'on puisse connecter une manette, j'allais dire une vraie manette, hein, parce que voilà, le Steam Controller, moi quand je l'ai eu en main, j'ai eu l'impression de voir une blague. Je vais être honnête. Hein, et un côté un peu plastique qui fait. Pas que ça, hein. Les positionnements, je trouvais ça pas forcément absurde, le côté tactile, je comprends le côté apprentissage, mais le positionnement du pavé droit, hyper pas pratique, avec les boutons qui sont juste en dessous, j'ai l'impression qu'on a complètement oublié les avancées des manettes qu'il y a pu avoir par le passé, et qu'on a oublié aussi qu'il y a beaucoup de joueurs PC qui ont une manette 360 et qui branchent leur manette 360 sur le port USB et qui l'utilisent pour jouer. Bon, maintenant le fait que ces manettes entre guillemets reconnues puissent être utilisées avec le Steam Link, j'ai envie de dire c'est déjà ça. Oui bah oui, mais elles sont vraiment reconnues directement et tu peux jouer à ton jeu tranquillou. Et voilà le Steam Controller. Enfin moi je sais que j'ai vu pas mal de critiques, j'ai entendu pas mal de tests aussi un petit peu dans différents podcasts aussi. Et c'est vrai que le retour est loin d'être bon, même justement chez des experts PC. Enfin c'est loin d'être folichon à ce niveau-là. Donc que ça soit sur le Steam Link et sur le Steam Controller, enfin on s'attendait vraiment à quelque chose de beaucoup mieux fini. D'autant plus que la manette a été assez de nombreuses fois repoussée. Ils voulaient réfléchir sur le tactile justement pour remettre des vrais boutons, et au final on arrive avec une manette qui est un petit peu cheap, avec un super bel emballage, ok, mais un petit peu cheap, pas trop bien pensé au final, et un petit peu à l'arrache, c'est-à-dire vous avez des possibilités et puis essayez de faire ce que vous pouvez avec, parce que nous perso on n'a pas vraiment su quoi faire. Donc, c'est un petit peu étonnant. Barberousse, t'en penses quoi de la manette? T'as envie de l'acheter ou pas? Alors là, mais pas du tout, pas une seule seconde. Ça t'attend pas Fallout 4 avec le Steam Controller? Tu veux des claques? Des clics et des claques. On a compris. Donc, comment est-ce qu'on... Non, mais moi, je suis plutôt positif sur la manette. Ah bon. Après, c'est vraiment sur le pavé tactile en lui-même, le pavé tactile qui se situe donc à droite, qui est censé simuler la souris, que je suis un peu plus réservé. Mais après, à voir, effectivement, en s'habituant, peut-être, j'ai pas encore testé sur des jeux vraiment tels que Civilization, SimCity et autres. Mais je vous en reparlerai dans quelques mois. Mais sur quel jeu t'as eu une sensation agréable avec la Steam Controller? Bah sur tous les autres jeux, ouais, que je peux jouer avec la manette Xbox 360 que j'ai actuellement. Et donc par exemple, si je te propose aujourd'hui, tu joues avec une manette 360 et une manette Steam Controller, tu choisis laquelle sur un jeu vraiment où ça, les deux fonctionnent? Bah, par habitude, pour l'instant, je dirais encore la 360, mais ça peut très vite basculer du côté de la contrôleur. Une fois que tu l'as bien réglé à ta façon de jouer, c'est ça? Ouais, voilà, avec le fait que ce soit paramétrable par-dessus, ouais, c'est vraiment intéressant. D'accord, bah, écoutez, on va rester sur cette conclusion-là aussi, mi-fig, mi-raisin pour l'instant pour la Steam Controller. Donc vous pouvez trouver ça assez facilement d'ailleurs via Steam, hein, 54,99€ pour chacun des accessoires. On va continuer tranquillement notre aventure parmi les accessoires, et cette fois on va essayer de réfléchir un petit peu sur justement les accessoires console ou aussi un petit peu sur PC. Est-ce que lorsque l'on joue un jeu fait avec, on pourrait prendre Time Crisis, est-ce que c'est un jouet ou un véritable jeu vidéo? Est-ce qu'on est vraiment dans une expérience jeu vidéo? Est-ce que c'est assez profond, pas assez profond? Est-ce que c'est cool de jouer à ce genre de jeu de temps en temps? Donc les amis, quand on joue à Time Crisis avec son Guncon, est-ce que on est dans le gadget ou on est pour vous dans un véritable jeu vidéo, Barberousse? Qu'est-ce que tu en penses? Bah là, tu es plutôt dans un pigeonnier, parce que pour acheter ce truc-là, oh, un bout de plastique de merde... Oh, la méchanceté de cet homme, c'est incroyable. Non, mais c'est même plus... c'est pas une expérience, c'est t'as juste mis ton god Michel coloré dans un machin en plastique pour que ça fasse joli et pour que tu puisses faire semblant de faire piou-piou face à ton écran. Ah non, Temcris, c'est un vrai gun et oh, il y avait pas de god Michel violet hein. C'était t'as dit gunpoint. Non, le gun con, c'était ce superbe flingue avec un bouton sur le côté où quand t'appuies tu te cachais. Dans Temcris sur PlayStation 1 et sur arcade. Je confonds avec le machin Henri qui est sorti sur PlayStation 3. Mais non, 3 c'est le PS Move, monsieur. Non, non, il y avait encore. Ah oui, c'était le gun. Bah, espèce de mitraillette nulle. PS Gun, ils mettent PS partout, ça devait être ça, non. C'est vrai qu'ils ont essayé de nous faire jouer à Killzone avec ces trucs de merde. Oui, voilà. Mais non, je parle du vrai jeu de shoot d'arcade où t'as ton gun à la main, le vrai gun en plastique, tu vois. Comme le jeu d'arcade. Ah ouais, comme dans le jeu d'arcade. Ça t'aime pas ça non plus ou t'as vraiment confondu? À mon sens, faut que ça reste en arcade. Parce qu'en arcade, tu as l'écran géant, tu as le son à fond, tu es devant, tu peux avoir ton pote à côté avec une arme aussi. Et tu peux te planquer ou tirer en bas de la borne pour recharger. Il y a des sensations en plus que tu ne peux pas avoir dans ton écran. D'accord, du tout, quoi. Tu penses que ça ne dépasse pas les bornes, quoi. Ah merde. Alors, tu sais. Ah bah voilà le petit niggle jiri et chanson rien que pour toi Matt. Rhône, tu n'étais pas d'accord. Non mais carrément pas. Ouais, moi je suis très friand, hein, je l'ai déjà dit. Sur ma Saturn j'avais deux guns. Sur Dreamcast j'avais deux guns. Tu faisais comme genou. J'avais une grande télé, plus grande qu'un écran d'arcade. Oh, et j'ai un home cinéma avec le son qui pétait. Riche. Et ah non, peut-être pas à l'époque de la Saturn, faut pas déconner, mais moi j'avais au contraire beaucoup de sensations et je me pose la question, est-ce qu'on peut jouer à un jeu où on tire sur des cibles avec une manette, avec une manette? Tu sais que je l'ai fait pendant un bon moment sur Die Hard Trilogy. J'avais joué justement à la deuxième partie qui est dans 58 minutes pour vivre et je l'ai fait entièrement à la manette. Ouais. Ah bah bon courage, hein. J'ai fini le jeu, Amy, mon petit gars. J'ai passé des heures et des heures sur ce jeu, mais clairement, je me suis beaucoup moins amusé que sur un jeu comme Time Crisis. Et moi, c'est pareil, Time Crisis. Donc, j'ai jamais acheté parce que voilà, j'avais pas l'argent à l'époque, j'étais trop jeune, tout ça. Mais on m'a prêté de nombreuses fois le jeu. Et franchement, Time Crisis, moi, je sais que j'ai passé énormément d'heures dessus aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer sur console à Time Crisis. Donc, voilà, franchement, moi, je sais que je m'amuse énormément sur ce type de jeu. Et comme le dit Rhône, ça fait partie justement de ces jeux où je ne me vois pas rejouer à la manette. Donc, c'est typiquement le genre de jeu, tu me le donnes sans le gun, je ne le lancerai absolument jamais. Est-ce que aussi dans ce type d'expérience-là, est-ce qu'il y a des jeux justement où vous vous dites attention, sans l'accessoire, je n'y jouerai jamais, Matt? Ah bah SingStar, évidemment. Bah tu ouais, évidemment. Oui, c'est vrai. Sans le exactement, micro. C'est vrai. C'est pas bête. Ça perd de son intérêt. Non mais. Tu viens de perdre en virilité là. Ah non, j'adore SingStar. J'adore aussi. SingStar, ouais. Attention, il y a un nid là parce que j'aime. Désolé, Barbeau. Qu'est-ce que je fous là? Mais c'est une question que je me pose aussi, qu'est-ce que tu fous là? Oui, je me pose vraiment la question en fait. T'es notre contradicteur. Allez, parle-nous de SingStar, Matt, j'adore ça, vas-y. Bah SingStar, c'est effectivement des jeux que j'ai pu imposer à ma famille, donc... en plus de ta présence. Dans de grandes soirées endiablées. C'est pour me venger de toutes les soirées avec pour aller danser le jerk et Thierry Hazard. C'est vrai qu'on est à court avec l'intro, ça c'est plutôt intéressant. Il y avait quoi comme chanson? Il y avait des chansons formidables, j'essaie de me rappeler. Mais t'avais plein d'extensions sur SingStar. Pas du Avril Lavigne. Rappeler, il y avait à peu près tout. Hein. Ah bon, oui, tu chantes pas Avril Lavigne, tu chantes des... Il y avait quoi? Il y avait beau... Kung Fu Fighting, voilà. Ça c'est quand même la classe, oh, tu fais la chorégraphie, Barberousse, à Kung Fu Fighting, c'est quand même la classe. Oh, quelle bande de beaufs, c'est pas vrai. Ça t'appelle les Nouvel An devant Arthur, Barberousse. C'était génial. Moi j'étais pas assez devant ma Freebox, c'était aussi pathétique, mais au moins j'étais tranquille. Non, SingStar, moi je valide. SingStar, il y avait aussi Lips sur Xbox 360. Ah ouais, celui-là, tu pouvais même remuer ton exactement. Micro dans Lips, oh là là. Ouais, tu peux jouer avec ta femme et secouer ton micro, et c'est super classe, quoi. Franchement, c'est un jeu qui était cool, ça a vraiment disparu. Même d'ailleurs sur PlayStation actuellement, les micros sont remplacés par les téléphones, c'est quand même assez honteux. La version PlayStation 4, maintenant, si t'as pas de micro, tu peux utiliser une application sur ton téléphone portable et puis chanter dans ton téléphone, c'est un petit peu triste, quoi. Quelle tristesse. Ah ouais, c'est triste. 2016, ça pue. On le dira jamais assez. Rhône, est-ce qu'il y a un jeu, toi aussi, enfin un jeu vraiment où tu te dis merde, je pourrais jamais jouer sans mon accessoire? C'est pas un, moi, plein, c'est plein. Mais vas-y. Alors, il faut être clair, j'ai aucun complexe à aucun moment du moment que je m'amuse. Et pour moi, l'accessoire, c'est un peu une projection supplémentaire. Tiens, par exemple, je jouais à un jeu où l'accessoire pouvait même être dispensable, mais je trouve que ça apporte. C'était à comment s'appelait un truc qui s'appelait Buzz, je crois, sur PS3. Exact. Un machin de quiz. C'est complètement con, un jeu de quiz. Mais on avait une petite manette avec quatre boutons de couleur pour vite répondre aux questions. Bah, ça a l'air tout con, mais ça apporte un petit plus. Ça nous met plus dans le jeu. Et puis, un autre genre où c'est difficile sans accessoires, c'est par exemple Rock Band. Ah oui. Hein, c'est compliqué quand même sans accessoires et Rock Band, ben voilà, même pas honte, hein. Moi j'ai deux potes, on se fait des soirées Rock Band régulièrement, un mec à la batterie, un à la basse, un à la guitare, et on peut passer des heures. J'ai acheté Guitar Hero la première fois sur PS2, mais comment j'ai passé ma journée entière à jouer à ce jeu-là, mais c'est juste la folie quoi. Bon, il y avait déjà eu à l'époque, il y avait les jeux Guitar Freaks, il y avait beaucoup de jeux Konami qui étaient justement aussi, tout ce qui est jeux musicaux, ils étaient un petit peu champions là-dedans, mais alors Guitar Hero ça a lancé le truc complètement, et putain mais comment je me suis éclaté sur Guitar Hero. Tu joues à Guitar Hero, Matt, aussi? J'ai dû expliquer au pharmacien que je me suis fait une tendinite en jouant à Guitar Hero. Ah, d'accord. Donc oui. Et puis tu un joues petit à peu. Guitar Hero. Un petit peu le mode difficile. Et toi, Barberousse, toi, des jeux accessoires, t'en as rien à foutre. Ah, j'avais Guitar Hero. Je l'ai encore sur 360. C'est vrai que je me suis éclaté comme un con. Ah, c'est la classe. Tu as secoué ta Barberousse dans tous les sens. Et c'était génial. Oui. Hein. Surtout sur Message in a Bottle que j'ai fait en perfect en niveau trop dur, c'était trop bien. La classe. Ah bah comme quoi finalement. Et j'en connais un autre accessoire que vous avez sûrement aimé avec une super musique. Sûr que tu as dû kiffer ça toi Ron avec la Kinect. C'est quoi, c'est un jeu de danse. Bouger ton boule. Ah bah oui, bah ouais. J'ai joué aussi. Bah ouais, carrément. C'est lequel? C'est le. Il y a eu quoi? Il y a eu le Just Dance de Ubisoft. Et il y en avait eu Sud Harmonix aussi, j'ai plus le nom. Dance Central. Ah, Sud Harmonix. Ouais, Dance Central, qui était hyper pointu, ouais. Tu vois, il était fatigant. Là, il est pire. Bien pire. Ah, c'est quoi? Vous voyez tous les personnages cultes de votre enfance qui disent. Ah non, Star Wars. Qui fondent devant vous. Non, voilà. C'est la musique de Star Wars. Ouais, je l'ai, hein. Oh, putain. Oh, non. C'est un peu triste. Ah ouais, mais la chorégraphie des Stormtroopers, c'est assez pathétique. Ouais. Ah non, le mieux, je pense que c'est l'empereur qui danse. Alors là, on pourra jouer pas de ça. C'est même pire que l'épisode 3. Tu peux pas tester. C'est pire que la menace fantôme et l'épisode 3 réuni. Ouais, ils ont essayé de tuer Star Wars définitivement, mais voilà, c'est revenu l'année dernière. Moi, concernant les jeux accessoires, je me rappelle aussi du magnifique High Toy de la PlayStation 2 et de ce superbe jeu où on essuyait des vitres. Donc j'étais petit hein, quand même, j'étais beaucoup plus jeune, pas petit, je cherche pas d'excuses, mais je me rappellerai toujours avoir réussi à faire jouer ma grand-mère à ce jeu-là, donc ça devait lui rappeler les longues sessions de nettoyage de vitres dans la maison. Donc cette fameuse astuce de mettre sa main très proche de la caméra pour tout nettoyer, ouais, d'un seul du coup. Coup le jeu n'a plus aucun intérêt. Mais mine de rien, Light Toy, c'est aussi un accessoire qui a été, il a été utilisé un petit peu à l'arrache, comme les jeux Wii, hein, de toute façon. Mais c'était plutôt rigolo, et c'était un petit peu les prémices de Kinect, même si on était plus dans les jeux de réalité augmentée, contrairement à Kinect, justement, qui était vraiment dans les mouvements. Est-ce que quelqu'un y avait joué? Oh mon dieu. C'est quoi ce jeu nul de PlayStation avec les livres? Ah, mais en plus, il paraît qu'il a bonne presse, ce putain de jeu, là. Book of Mystery, ou je sais plus quoi. Là. Book of Sorcerer. Ouais, tu ouvres ta caméra, tu ouvres ton bouquin, puis t'as l'impression des trucs, mais c'est tellement pourri que... Oh, mais vous n'êtes pas dans le pays des rêves, vous, Barberousse, vous êtes méchant. Ils l'ont montré dans un E3 avec une nana sur scène... par terre devant son bouquin, c'était pathétique. C'est sûr qu'à présenter c'est un petit peu pathétique, mais je pense que pour des gosses ça doit être cool, non? T'avais joué à ça, Aaron, toi? T'as entendu parler du truc là? Ça me dit rien du tout, mais j'ai zappé moi le Light Toy, donc là je peux pas en parler, j'ai pas essayé. J'en ai nettoyé des vitres, hein, moi je te le dis. Mais par contre j'ai fait jouer ma mère à Virtua Cop, moi, avec le flingue, et c'était à mourir de rire parce que du coup elle se mettait à 20 cm de l'écran. Est-ce que tu t'es amusé à dire arrête ou ma mère va tirer ou pas? Je crois que c'était même avant que ce soit sorti, mais j'aurais pu. Ah, t'aurais pu te prendre pour Stallone, et ça aurait été quand même super cool. Oh, la classe. Ah, les jeux, de toute façon, moi, les jeux de gun, j'adore ça. Moi, je sais que c'est un peu le genre de jeu qui me manque sur console maintenant, parce que bon, tu peux le trouver en salle d'arcade, mais les salles d'arcade ferment de plus en plus vite. Mais c'est vrai que sur console, maintenant, même quand t'as un jeu, où tu dois tirer, genre il y a eu récemment le jeu là, Blue Estate, que moi j'ai bien aimé, donc j'ai joué avec ma manette DualShock 4, donc il repère les mouvements, mais c'est pas cool quoi. Tu vois, t'es avec ta manette comme ça à bouger dans tous les sens, t'as l'air d'un con. Déjà qu'avec un gun, avec un faux gun, t'es pas forcément hyper viril, mais là avec une manette DualShock à essayer de viser les ennemis qui tombent dessus, en fait c'est comme ça remplacer une souris. Je trouve que ça a perd son charme, mais c'est assez incroyable, même si le jeu est rigolo, qui a un univers plutôt sympathique. D'ailleurs, du coup, bah, je sais que Ron avait parlé à l'époque, quand on était chez Daybeats, de Blue Estate, et c'est ça que t'avais plutôt bien aimé, la version Kinect. Bah, qui était, bah oui, parce que déjà, je préfère encore avoir, rien dans la main, plutôt qu'une manette qui n'est pas un flingue, quoi. C'est aussi bête que ça, hein. Mais je te rejoins complètement, le flingue. Quand on s'amuse à faire semblant, ce qui est quand même un concept fondamental quand on joue aux jeux vidéo, bah, tant qu'à faire, autant avoir un flingue qui ressemble à un flingue, même s'il est bleu, comme sur Saturne. Bah, mais c'est vrai que tu fais bien de préciser ça, parce que justement, la UI, entre guillemets, la force de tous ces accessoires en plastique à deux balles, c'est que même si c'est un pauvre accessoire en plastique qui te fait poser la manette dedans, bah, quand tu joues à House of the Dead Overkill, bah, ça fonctionne. Bah, ça fonctionne quand même, parce que... Ça doit être le seul jeu, hein. Ouais, mais il était vraiment cool, hein, celui-ci. Parce que Link Crossbow Training, c'était quand même une sacrée... Ah, ça, c'était du caca. C'était du fanservice du pauvre pour essayer de ramasser du pognon, mais ça a cartonné. Ils en ont vendu je sais plus combien de millions de ces conneries, mais House of Dead Overkill, je vous le conseille vraiment. D'ailleurs, il est dispo sur, alors du coup, PS3, et même si du coup, bah, si vous n'avez pas l'accessoire, justement, comme parlait Barbarous tout à l'heure, l'espèce de Godmich avec le petit gun en plastique, ça n'a pas trop d'intérêt, c'est vraiment un jeu qui est fait pour un vrai jeu d'arcade à l'ancienne, très très gore, avec plein de répliques complètement dégueulasses. Enfin, c'est un jeu hyper fun dans l'ambiance un petit peu Greenhouse, et les jeux de gun, moi, ça me manque beaucoup. Il y a vraiment de moins en moins. Il y a Rambo qui a essayé ça, mais qui était à chier des briques. En plus, c'était vraiment un jeu de tir sur rail camouflé complètement en FPS du pauvre. Mais c'est vrai que c'est typiquement le genre de jeu qui manque beaucoup, et je trouve justement que le type de jeu à accessoires tend à disparaître. Et on l'a vu justement avec la disparition pendant un bon moment des jeux Guitar Hero, et c'est ce qu'avait souligné un petit peu Matt, que le système est en train de revenir un petit peu. Est-ce que quelqu'un a retenté l'expérience avec les nouveaux Guitar Hero? Ouais. Ah ouais, je l'ai, là, le dernier Guitar Hero, où on change d'ailleurs les touches, hein, elles ont plus la même disposition, ce qui fait que ça rend les choses très compliquées quand on a l'habitude de jouer à l'ancienne version. Mais moi, je veux dire, voilà, quoi, c'est fun, j'étais super content de retrouver un jeu avec une guitare. Et Barbarous voulait rebondir. Boing. Ouais, c'est moi qui l'ai faite, celle-là. Non, deux choses. Tu as déjà essayé un jeu rigolo qui s'appelle Typing of the Dead avec le clavier de la Dreamcast? Oui. Typing of the Dead. Il est ressorti sur Steam d'ailleurs, hein, si tu veux. Tu connais peut-être House of the Dead, le jeu de couleurs pour ton bonbon. On a parlé de ça, oui. Sauf que là, il faut se battre au clavier, et c'est-à-dire que tu n'as pas de flingue, mais les zombies ont des lettres au-dessus d'eux qui permettent d'écrire des mots. Et il faut taper les mots au clavier pour buter les zombies. C'est très con, c'est très rigolo. Ouais, c'est très chouette, c'est vraiment une façon détournée d'utiliser le clavier, c'est vraiment génial, quoi. Parce que du coup, ça te permet vraiment de t'amuser. Ça sur Dreamcast à l'époque. Ouais, d'ailleurs, après, tu tapes comme une seconde. D'ailleurs, les Venom avaient un clavier derrière le dos, je crois, ou c'était un PC, je sais plus, mais tu les voyais vraiment, ils avaient carrément changé l'apparence des personnages, c'était assez rigolo. C'était le jeu supplémentaire pour pouvoir utiliser le clavier de la Dreamcast, et tu avais aussi un jeu de dactylo, justement. Avec, si tu faisais un score, tu pouvais à la fin, tu pouvais contacter une société au Japon, qui t'engageait en tant que dactylo. C'était vraiment l'accessoire le truc pour justifier l'accessoire de la Dreamcast. T'as vendu un rêve, la vache, tu peux être embauché comme dactylo, c'était le meilleur au monde. Wow. Ah, mais c'est le Japon à l'époque. Alors, c'est incroyable. Vous avez mis dans vos références que vous étiez une bête à Tapping of the Death, donc, je vous engage. Mais sinon, ils n'avaient pas sorti un nouveau Guitar Hero, mais cette fois-ci avec une vraie guitare. Bah, c'était le Ubisoft. Bah, Rocksmith, voilà. Ça, c'est pas mal quand même. Et ça marcherait. J'ai jamais pu tester. Enfin, c'est vrai qu'après, il faut avoir une vraie guitare déjà, ce qui est un peu compliqué par rapport à une guitare en plastique. Mais d'après ceux qui ont pu le tester, ça semble être plutôt sympathique. Toi qui es musicien, Ron, hein, ce qu'on le dira jamais assez, hein, tu es un grand musicien, est-ce que tu as déjà testé Rocksmith? Et non, j'ai pas testé Aerosmith, et ça coûte une blinde, quoi. Enfin, moi, j'ai pas de vraie guitare. Ils en vendaient une avec, mais tout de suite, tu te retrouves à des tarots qui sont quand même très élevés. Par contre, enfin, je connais des gens qui ont joué et qui trouvent du plaisir, notamment parce qu'ils sont, ils savent déjà jouer de la guitare, et ils y trouvent pas mal de satisfaction à jouer à Rocksmith. Mais ça, c'est assez commun avec tous les gens qui font de la guitare, hein, d'avoir de la satisfaction par rapport à eux-mêmes. Oh, bah dis donc, tu commences à attaquer le monde des musiciens. Bim. Sauf les bassistes. Oh, le mec, comment qu'il attaque le monde de l'art et de la musique, il balance un pavé dans la mare et il se recule tranquille. Non, putain, mais j'ai jamais réussi à faire Wonderwall en chantant en même temps, alors ça m'énerve. Même dans les jeux de rôle, il n'y arrive pas. Ça... C'est vrai. Je vais rebondir moi aussi sur un truc que vous avez dit à de nombreuses reprises. C'est le prix justement de ces accessoires. Est-ce que c'est justement le, je pense, le frein principal pour toucher le grand public? Ce qui est étonnant justement dans ce type d'accessoires là, c'est que souvent on le paye très cher, mais on l'utilise une fois. Du coup, je pense à Steel Battalion. Est-ce que vous avez en souvenir ce stick énorme de Steel Battalion? C'était génial. Juggernaut. Ça coûtait mais une blinde. Ça faisait rêver la plupart des joueurs qui voulaient maîtriser des gros robots géants. Mais qui a pu vraiment y jouer? En tout cas, pas moi. À jamais j'en ai entendu parler. Mais, bah, mais c'est le des concept gens dont génial. Les enfants n'ont pas pu partir en vacances la même année. Oh, en tout cas, clairement. Ah, moi j'y ai joué et mais je me le suis pas acheté. De bon, déjà j'aime pas trop les jeux de méca, donc j'avais aucune raison, puis surtout j'avais pas la thune pour m'acheter ça, mais j'ai pu quand même l'essayer et c'est vrai que c'est un putain de kiff. Mais est-ce que ça vaut le coup? C'est de mettre 200 Alors, balles ça, dans un ça vaut le coup si t'es ouais, pété de thune et que exactement, tu t'en fous. Mais ça vaut surtout le coup quand c'est chez un copain, à vrai dire. Parce que au niveau immersion, c'est bon, enfin quand je dis que j'ai pu y jouer, j'exagère un peu, parce que il faut apprendre à y jouer. C'était un vrai cockpit, donc il fallait que tu connaisses tel bouton, à tel truc. Enfin, t'avais l'impression d'être dans un cockpit de Boeing, quoi. C'est de la simulation. La vraie simulation. Mais d'un autre côté, exactement. Et au niveau immersion, c'était quand même assez dingue. Je dois dire que on avait réellement la sensation de conduire un mecha, quoi. C'était assez étonnant. Les otaku, bon, hein, pour ce truc-là. Fallait le mec qui veut, ce genre de fan, mettre les thunes dans ce genre d'accessoire. De toute façon, je crois qu'il a vraiment été utilisé qu'une seule fois, ce jeu-là. Cet accessoire-là, mais Lyon surtout, et sa suite, quoi. Il y a un petit truc en plus là-dessus, si je me souviens bien, c'est que le développeur original de l'accessoire voulait que le petit bouton d'éjection, donc le truc ultime qui fait quand ton robot est mort, tu t'éjectes pour pas mourir. J'ai pas voulu la faire, okay. Mais bon, c'est pas. Il soit recouvert par une petite vitre. Oui, bah comme dans, ouais, comme dans. Et surtout, pour utiliser ce bouton d'éjection, fallait casser la vitre. Non, fallait la faire pivoter, si je me rappelle bien. Non, à l'origine, comme il voulait le faire, il voulait que la vitre soit cassée. Ah, d'accord. Il voulait que ce soit définitif. Il voulait que si tu t'éjectes de ton robot, ce soit définitif, que ce soit vraiment, que tu casses ton matériel pour y arriver. Et que tu meurs vraiment. Vraiment que ce soit ultime. Et que tu meurs vraiment en te cognant contre le plafond en étant éjecté. Voilà. Mais à l'origine, le mec était vraiment à fond. Ils ont expliqué que c'était pas possible. Mais d'ailleurs, tu ne peux pas tuer les joueurs. Oui, bah oui. Puis ils ont sorti une suite sur DS, la maison du style, je crois. Ok. En parlant de vraie suite, bon, on va éclipser. Hein. Ne faites pas attention à lui. Il y a eu un Steel Battalion, je crois, sur Xbox 360, qui a tenté d'utiliser Kinect pour pouvoir jouer à ça. Et je l'ai testé et ça ne marche pas. Alors déjà, t'as pas de vrai cockpit. Donc, niveau immersion, ça pue un petit peu quand même. C'est là qu'on voit quand même l'importance de l'accessoire. Mais ça marchait pas du tout. Et en plus, c'était développé par From Software, les mecs qui ont fait Bloodborne. Et ça, on le dira jamais assez, qu'ils n'ont pas fait que des grands jeux, parce qu'on a un petit peu tendance à l'oublier quand même un petit peu. Parce que maintenant, c'est des demi-dieux, ils ont quand même fait Steel Battalion. Je tenais à remettre ça dans le contexte quand même. Donc les accessoires coûtent cher et c'est peut-être une raison pour du fait que ça ne se vende pas beaucoup. Mais est-ce qu'on est donc, si on conclut un petit peu sur cette partie-là, est-ce que lorsque vous jouez à un jeu à accessoires, on est dans le jouet ou est-ce qu'on est dans le jeu vidéo, Rhône? La frontière, elle est extrêmement floue. J'ai envie de dire, ça dépend de quel jeu. Civilisation, c'est dur d'appeler ça un jouet. Après, quand on joue un jeu d'arcade, qu'on le fasse avec une manette ou avec un accessoire, à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant, quoi. Hein, quand on se prend pour un militaire qui bute l'armée allemande entière sur le front, non, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas un truc sérieux. Donc j'ai envie de dire, pour moi, peu importe. Ça, je fais pas de distinction réelle là-dedans. Ouais, c'est un jouet pour jouer. Quand on s'amuse, peu importe. Exactement. C'est le principal. Barberousse. Tant que ça t'apporte quelque chose, je suis d'accord. Après, il va peut-être falloir faire une distinction entre accessoires et puis véritablement prolongation de l'expérience du jeu. Très bien, Matt. Bah écoute, pour moi, c'est quand même bizarre d'avoir vu, en tout cas, qu'on parle de jeu ou de jouet, le déclin quand même globalement de ces accessoires, parce que c'est quand même un moyen. On l'a vu sur beaucoup de jeux dont on a parlé, c'est un moyen de créer une exclue sur une plateforme. Alors, est-ce que Kinect et son échec monumental n'ont pas totalement tué le royaume et la piste des accessoires? C'est une question qu'on peut se poser, même si les Amiibo reviennent en force. Je ne sais pas si vous les classez comme des accessoires. Parce que moi, c'est plus du jouet vidéo dans le cas. On est vraiment dans le vrai jeu vidéo, mais ouais, je ne sais pas si on peut considérer comme un accessoire l'Amiibo. Quoique l'Amiibo peut-être plus que le Skylanders. Parce que du coup, le Skylanders est vraiment dans le jeu, ce qui n'est pas vraiment le cas de l'Amiibo. Mais bon, je pense que c'est, je pense pas qu'on peut le causer comme un accessoire, mais ta remarque est pertinente, permets-moi de le souligner quand même. Parce qu'on a eu ces dernières années une explosion grâce à la Wii, justement de la console accessoire, on l'appelait même la console raclette, hein, de toute façon, qu'on sortait de temps en temps avec ses manettes qu'on faisait bouger dans tous les sens. Donc est-ce que, entre guillemets, le fait que la Wii est cartonnée mais n'est pas vraiment convaincue, le fait que le Kinect 1 est cartonné mais n'est pas vraiment convaincue, et fait que ça a été exclu complètement des nouvelles machines, parce qu'on est vraiment passé de tout à rien d'un seul coup. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, on peut se poser la question, pourquoi l'accessoire est mis de côté? Est-ce que le jeu vidéo est devenu trop sérieux, justement? Est-ce que c'est pas ça le problème au final? Je pense que Ron a raison, parce que le principal c'est de s'amuser, mais est-ce que le fait de... parce que maintenant on fait des mouvements mais on n'a plus rien dans les mains, c'est un vrai souci au final, mon petit Ron, dis-moi. Moi j'ai envie de dire qu'il disparaît aussi parce qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de public sur ça, parce qu'on a vu que le deuxième je sais pas. Moi, j'en suis pas si sûr. C'est une question de positionnement. Alors, on va remettre un peu de marketing là-dedans. Le Kinect sur la 360, ça a amené tout un public familial qui s'en est servi du Kinect, qui a fait du Just Dance, qui a profité de ce périphérique pour s'amuser en famille. Arrive ensuite la Xbox One qui se repositionne comme machine pour joueurs, entre guillemets, sérieux, pour le coup, ce Kinect, qui d'ailleurs c'est con, qui marche très bien, n'est pas exploité, et je peux pas m'empêcher de dire qu'ils ont pas, surtout, ils ont pas su quoi en faire. Après tout, je pense que le joueur est pas si con que ça. Si on lui sort un jeu qui utilise réellement ce périphérique et qui apporte du fun, qui fait qu'on s'amuse, qu'il y a une immersion, pourquoi est-ce qu'on peut pas imaginer un jeu du type Shenmue où on dialogue directement? Et pourquoi on peut pas imaginer que les phases de combat, on n'envoie pas des pralines dans la tronche du mec? Pourquoi on peut pas imaginer un RTS où on manipule ses armées avec ses doigts? Ça, c'est des choses qui auraient pu se faire, mais personne ne l'a fait. Sur le Kinect de la Xbox One, moi, je retiens Fantasia, et c'est tout. Un très bon jeu, mais effectivement, il n'y a que ça. Il y a même plus rien d'annoncé, plus rien de... Ça fait un jeu, quoi. Et ce qui fait que j'ai vraiment du mal à répondre à cette question de façon simple, parce que finalement, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bon jeu qui se plante parce que il n'y a pas de bon jeu. À partir de là, tout le monde, on a raison de dénigrer un périphérique qui finalement ne sert à rien si ce n'est à allumer sa console par la voix. Est-ce qu'on tient vraiment un grand jeu cette époque-là? Est-ce qu'il y a un grand jeu pour toi qui ne pourrait se jouer qu'avec Kinect ou qui pourrait ne se jouer qu'avec la Wiimote parce que ça apporte vraiment quelque chose de spécifique? C'est pas un peu problème. Moi je dis oui parce que j'ai joué énormément au Kinect Sport. Je me suis beaucoup amusé avec mes gosses sur ces jeux-là. Alors ouais, c'est avec mes gosses, mais bon, le jeu vidéo c'est aussi un truc qu'on peut faire avec ses gosses, quoi. Il a beaucoup tourné le Kinect sur la 360 chez moi. C'était quelque chose qui servait vraiment, ce qui fait que d'ailleurs je dois dire, quand j'ai acheté la One, je n'envisageais pas de ne pas avoir Kinect parce que j'imaginais qu'on allait avoir un périphérique plus au point dont on pourrait tirer réellement parti. Donc la déception a été très grande, quoi, parce que finalement, on n'en fait rien. Mais on n'en fait rien, et donc on a raison de s'en détourner parce que ça propose rien. Et Matt, toi, l'absence, enfin la quasi-absence maintenant des jeux accessoires, des jeux très arcades d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que maintenant, à part les jeux avec les volants ou alors les sticks justement sur PC, les sticks pour jouer au simulateur de vol, etc. Est-ce que cette disparition quasi totale t'embête? Est-ce que c'est pas un peu dommage de plus voir de ce type de jeu? Bah oui, c'est dommage parce que t'as l'impression qu'il y a tout un champ de possibilités à tout simplement exploiter. Après, effectivement, ça dépend aussi beaucoup de la taille des salons de chacun, puisque malgré tout, c'est des accessoires qui prennent de la place, qui peuvent potentiellement devenir des nids à poussière, et c'est vrai que des gens qui ont déjà craqué pour quelques accessoires, qui voient que c'est pas exploité derrière, peuvent se démotiver et plus avoir envie d'investir là-dedans. Voilà, après tu disais que la Wii a pas vraiment convaincu, c'est quasiment l'inverse, puisque c'est une console qui a été vendue, mais à une puissance phénoménale, quoi. Donc il y a vraiment un marché. De toute façon, la population se gamifie de plus en plus. Ça passe par les portables. Oui, mais ça passe par la Wii. Est-ce que c'est pas un accident? Parce qu'on est la preuve avec la Wii, ou même s'il y a un problème de communication, est-ce que la Wii, il y avait une promesse. Il y avait une promesse du motion gaming. Il y avait la promesse du. On s'est tous fait niquer. Moi, je me suis fait niquer. Moi, j'étais dingue. C'est la. Il y a pas 3-4 jeux qui s'en servaient bien. Franchement, la Wii, les gens la retiennent pour le Wii Sport, mais principalement, la promesse de la Wii, comme dit Barberousse, c'était de changer radicalement le gameplay. Mais si ça avait vraiment changé ou apporté quelque chose, alors ça a changé. Pour les gamers, ça n'apporte rien. Pour le grand public, ça apporte beaucoup. Mais pourtant, moi, je sais que je suis un peu comme tout le monde ici. J'aime tenter de nouvelles choses en termes de gaming. J'aime être un petit peu chatouillé, un petit peu bousculé au niveau de mes façons de jouer. Et c'est que moi, la Wii. Et j'ai pas du tout été bouleversé par la Wii. Au contraire, j'étais plus souvent frustré que agréablement surpris par la façon de jouer, même si quelques jeux étaient intelligemment utilisés avec la manette. Mais pour moi, c'était plus frustrant à jouer, comme certains jeux Kinect sur la première version, que du niveau fun. Je me suis pas vraiment retrouvé au final, quoi. Donc c'est les gens qui ont acheté un million de fois la Wii, je veux dire, vraiment, peut-être qu'ils se sont dit la Wii U, non merci, je vais acheter une PS4, quoi, au final. Je peux faire une prédiction. Vas-y. Pour le futur. Je passe en mode Madame Irma. Alors pour moi, l'un des accessoires qui va prendre le plus d'importance qui va être une nouvelle piste de réflexion pour le gaming, ça va être le micro-casque. Alors le micro-casque, pourquoi? moi ça me rend dingue, je comprends pas qu'on voit partout dans nos téléphones du Siri, de la reconnaissance vocale, et à aucun moment on voit l'introduction de ces mécanismes dans des jeux vidéo. Alors c'est déjà le cas. Il y a déjà. À une très faible échelle. Une très faible échelle. Ghost Recon, il y avait déjà. Non, pas tout à fait. Hein, alors c'est bien la seule chose pour laquelle sert Kinect sur la Xbox One. Alors c'est pas tous les jeux, mais des jeux l'intègrent. Je sais que moi je m'en sers quand je joue à Forza Horizon. Aussi, tu peux donner des ordres. Oui, absolument. Et il y a quelque chose. Mais je te rejoins parce que il y a quelque chose de très confortable à piloter une partie des actions à la voix. Imagine-toi dans un Life is Strange ou n'importe quel jeu narratif, à simplement lire le dialogue au lieu de cliquer sur A, X, Y ou B. Les gars, vous voyez en train de parler le dialogue. Moi je suis pour. Hein. Mais Creepers, imagine ce qu'on pourrait faire avec ton jeu d'acteur, quoi. Ce serait génial. Quelle bande d'enfoirés. Oh, l'imprimante est cassée. Oh mon dieu. Ron, mais qu'est-ce que tu fais? Non, je suis pas d'accord. Non, mais imagine-toi parler à des interlocuteurs qui s'adapteraient à ton dialogue dans n'importe quel monde. Ils se feraient dans n'importe quel monde. Mais Shepard, qu'est-ce qui vous arrive avec cette voix de merde? Mais pourquoi vous avez utilisé deux Shepard fois pour le fun et vous le ferez plus, sans déconner, quoi. Puis quand vous avez l'accent du sud? Non, mais faut être honnête, vous allez le faire deux fois. Moi, sur Forza Horizon, je disais, radio, stop, ou radio, machin, ça va pas au-delà, quoi. Je veux dire, après, il y a pas mal de choses que vous allez faire deux, trois fois. Mais imagine-toi sur Euro Truck Simulator. Non, je Ah, d'ailleurs, merci Barberousse pour ce cadeau. C'est tout à fait surprenant. Parce que il faut savoir quand même que les joueurs PC sont quand même généreux et s'achètent pas de jeux pour eux, mais ils m'offrent des trucs. Ah, vu qu'il est pris pas cher, on offre. Donc j'ai eu droit quand même à Little League, qui est un vrai bon jeu. Merci Matt d'ailleurs de m'avoir offert Little League. 60 euros, ça m'étonnerait. C'est ton budget de l'année. En fait, tu vois, quand tu ramènes un jeu chez Micromania, qui te le reprennent 2 euros, c'est le prix d'un, c'est jeu, le prix chez d'un jeu chez vous. Et donc d'ailleurs, je me suis humilié par Barberousse sur Little League. Et donc Barberousse m'a offert Euro Truck Simulator. J'ai eu l'occasion de faire un Paris-Lyon, un Metz-Lyon, et je me suis retourné avec mon camion en envoyant SMS, donc comme quoi, voilà, il faut choisir, soit il faut être volant. Mais tu vois, si t'avais eu un grand volant avec un levier de vitesse, franchement, t'aurais kiffé. Je vous avouerai quand même, et là, voilà, j'ai mis ma casquette exprès, moi, j'étais tout seul comme un con, j'avais ma casquette à l'envers, parce que quand je tourne ma casquette, je fais le vide, faut le savoir, donc, j'ai joué. T'avais la bande originale de... Over the Top. En plus, plus du tout sur quoi j'ai appuyé, mais d'un seul coup, il y a de la musique qui s'est mise en haut, je fais putain, il y a du Limp Bizkit, Il y a de Limp Bizkit dans mon camion, je sais pas comment c'est possible, mais il y avait de la musique, alors et c'était à venir de chez moi, je sais pas comment j'ai lancé. J'appuyais sur tout, les essuie-glaces, les machins, enfin, je prenais rien du tout. Et j'ai quand même, je me suis quand même laissé prendre au jeu, j'ai voulu faire mon Metz Lyon, et donc, bien sûr, je me suis retourné, on peut rien faire, il faut tout annuler et tout recommencer. Voilà, j'ai niqué ma cargaison de sable, faut le savoir. On va continuer à avancer tout doucement quand même, hein, donc on a parlé un petit peu justement de la disparition des jeux accessoires, mais pourquoi cette volonté avec tous ces accessoires, avec tous ces appareils de motion gaming, etc., pourquoi cette volonté de supprimer la manette, alors que justement, on l'a vu avec Steam, on essaie de la remettre un petit peu devant tout le monde, mais pourquoi on a envie de supprimer cette manette, Barbaros? Pourquoi cette manette doit-elle disparaître? Et pourquoi tu veux enlever une manette? C'est bien une manette. Moi, je suis d'accord. Faut juste la faire évoluer. Ouais, mais ça peut être en complément. Ça peut être une offre supplémentaire. C'est pas forcément contradictoire. Actuellement, la manette, on nous l'impose. C'est vrai que maintenant, on est revenu à quelque chose de très classique. C'est-à-dire que maintenant, c'est la manette. On a la manette PS4 qui est devenue le nouveau symbole du jeu vidéo maintenant, vu que c'est la console qui cartonne. Mais c'est vrai que la manette, on essaie de la mettre maintenant sur PC. De plus en plus, même les développeurs mettent en avant la manette. La Wii est arrivée à essayer de faire disparaître tout ça. Kinect a essayé de faire disparaître la manette. Pareil pour la PS3 avec le PlayStation Move. On a essayé de nous dire, écoutez, la manette, voilà, c'est trop dur, c'est trop compliqué, on arrive, il y a trop de boutons, patati patata. Et au final, là, on commence à revenir à quelque chose de très très classique. Alors pourquoi, à votre avis, à l'époque de la Wii, alors parce qu'elle a cartonné, alors que c'était quand même une vraie manette, hein, au départ, il y avait plein de boutons, etc. Mais pourquoi, avec tous les accessoires, on essayait de faire disparaître la manette? Parce que la manette, question d'accessibilité, hein. Ouais. Une manette, ça fait peur. Il y a plein de boutons, il y a des choses à avoir, il y a des réflexes à avoir. Alors ça que fait le peur fait aux d'avoir, gens qui jouent pas, ouais. D'avoir un accessoire aussi idiot soit-il que le volant de Mario Kart, c'est le fun immédiat. Tu vois tout de suite ce que tu fais. Même si au final, pour contrôler, c'est nul. C'est pas précis. C'est rigolo. Il y en a qui arrivent à jouer, il y en a qui gagnent des championnats, et empêche avec le motion sur Mario Kart. Je sais pas comment ils font, c'est vraiment des bêtes. Mais rien de nouveau quand même. C'est un jeu, même pour la plupart des jeux, les jeux classiques, rien de nouveau, une vraie bonne manette. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous qui écoutez cette émission, si vous nous en parlez dans les commentaires, si vous aimez les mouvements, justement, sur tout ce qui est Mario Kart. Même, je crois qu'il y avait des mouvements avec un volant chelou, là, sur Forza, sur 360, un volant sans fil absolument bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont essayé d'inventer un truc pareil. Mais c'est vrai que la mine de rien, je crois pas que ce soit le même objectif, hein. Moi, ouais. J'ai un volant, moi, je suis loin de le brancher à chaque fois que je joue à Forza, parce que l'objectif n'est pas le même quand je veux être performant. Alors je vais mettre des gros guillemets, parce que performant c'est Rhône dans la même Forza, phrase, c'est ouais. Voilà, c'est un peu compliqué. Elle a dit ça, c'était un jour où j'étais pas avec le volant, c'est pour ça peut-être. La manette, ouais, plus précis, etc. Mais quand j'ai envie de me faire un kiff, je ressors le volant, je le branche, ouais, je sais que je vais un peu galérer, mais oui, ça m'apporte quand même une valeur ajoutée. Moi, je pense pas que l'un annule l'autre. Je suis persuadé qu'on doit pouvoir faire les deux, qu'il y a des jeux qui sont adaptés pour l'un, des jeux qui sont adaptés pour l'autre. C'est pas une question de forcer la main dans un sens ou dans l'autre. Mais un complément de luxe. Mais on va être d'accord. Pareil pour moi, pour mon jeu de vaisseau, Elite Dangerous, j'attends d'avoir un Otas. C'est-à-dire manette de gaz, machin, un truc un peu complet. Bon, ça me coûte à la peau du cul, mais je veux vivre ce trip-là avec un contrôleur spécifique. Un peu comme Ron avec ses jeux de voiture et le volant et pédalier. C'est une extension. Moi, j'ai déjà essayé le volant, ça a transpercé ma raquette de badminton, j'ai vraiment pas compris, quoi. J'ai pas lancé un peu trop fort, je pense. Ça doit être ça. Mais faut quand même que tu vérifies ta raquette, je pense, Matt, parce que là, ça craint. Donc, de toute façon, on est clair que sur les jeux accessoires, il faut tout simplement que le jeu soit pensé pour ça. Et l'important, donc, c'est de s'amuser. Mais on le sait, là, on a vécu un moment où il n'y avait pas d'accessoires, où ça commençait à disparaître doucement. Mais en 2016, c'est l'année d'un objet. Un objet qui ne coûte pas cher, un objet qu'on va poser sur notre petite tête, un objet qui situé, finalement aussi, il va être très cher, ça va être 199€, ça s'appelle l'Oculus Rift, et il va essayer de renouveler complètement notre façon de jouer. Est-ce que là on est dans l'accessoire, Barbarousse? Toujours la même chose. Comme il est vendu là tel quel, où il n'y a pas de jeu, quasiment pas de jeu pour l'utiliser, c'est un accessoire, surtout que c'est très cher. Même si ça peut donner des expériences très très très très marrantes en plus. Ne serait-ce que pour l'immersion, toujours les Dangerous un jour, ou alors même... quel jeu qui est pas mal où il faut désamorcer une bombe? Keep Talking and, Keep and Nobody talking Explode. And nobody ça, c'est très rigolo, ça. Au VR. Il y a plein d'expériences qui sont en train d'arriver, mais c'est tellement cher que ça se restera, à mon avis, juste une expérience. Parce que 800 euros, l'expérience, c'est un peu cher, quand même, effectivement. D'autant plus que c'est 800 euros sans la machine. Peut-être que c'est la première version. Que dans les versions suivantes, elles sont moins chères parce que plus démocratisées, mais à mon avis, ça va rester assez limité, comme des volants, comme des manettes de gaz, etc. Ça va rester assez limité pour certaines personnes qui veulent ce trip-là. Matt, c'est le futur, la VR? Bah, le futur, peut-être, mais pas en 2016. C'est pas le futur proche, si tu veux, quoi. Pour moi, effectivement, c'est quasiment 800 boules sans le PC derrière. Bon, moi, j'ai le PC derrière, effectivement, donc après, c'est quoi faire, la VR? Parce que effectivement, là, c'est un casque qui va te couper totalement du monde qui t'entoure. Moi, je joue principalement à des jeux qui sont Diablo, Hearthstone, enfin voilà, des trucs tranquillou, je peux continuer à dire de la merde sur Twitter en même temps, ou discuter du sens de la vie avec ma femme. Ah, il faudrait que tu me fasses un petit résumé du sens de la vie, quoi. Ah, bah, j'écrirai un livre là-dessus. Un livre de blagues édité chez chez les grosses têtes collection. Et voilà, bah... Vermus. Il l'a dit, Barberousse, il y a pas beaucoup de jeux encore. Donc mettre un investissement pareil sur une technologie qui va sûrement rapidement évoluer sans contenu, bah pour l'instant, à part pour le porno, ah bah oui, du coup en fait je vais l'acheter. Et j'espère que Madame n'est pas là parce que là ça craint. Mais non, c'est bon, elle a un casque. Ça vous fait pas peur, parce que moi ce qui m'effraie vraiment avec ce système de VR, c'est que pour l'instant on parle d'expérience de petits jeux, de petites choses qu'on va faire comme ça où on va jouer 10 minutes, mais il n'y a pas vraiment de vrais jeux pour l'instant développés pour ça. Enfin, de ce que je connais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de véritables jeux annoncés. Voilà, vous aurez ce jeu-là, c'est le jeu fait pour la VR. D'autant plus qu'on est sur un objet à 800 euros. Donc d'un côté, t'as pas de vrais jeux, pas de vraies exclusivités pour ce type d'accessoires-là. Et en même temps, c'est méga cher, donc t'as pas envie de te lancer comme ça à l'aveugle. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Rhône, toi, mais là, on aura aussi bientôt la VR sur console avec le PlayStation VR qui a été annoncé là à peu près dans les 500, 400, 500 euros. Donc on est encore pour un accessoire console sur quelque chose d'extrêmement cher. Est-ce que, comment tu vois, toi, l'avenir de la VR donc à partir de maintenant? Bon, déjà, je le vois sans moi, hein, parce que au dernier E3, j'ai essayé pas mal de trucs en Oculus. Et j'ai trouvé ça à chaque fois très cool pendant 10 minutes. C'est ce qui me fait peur, moi, justement. Moi, je ne peux pas me projeter au-delà de 10 minutes avec un casque sur la tête. Bon, alors, tous ceux qui trouvent déjà qu'on peut avoir l'air con avec des périphériques, bah, accroche-toi avec un casque de réalité virtuelle. Là, là pour le coup, ça tu ressembles à Daft Punk, non? Ouais, c'est, ouais, ah, c'est génial. Puis là, les gens qui sont à côté peuvent t'insulter. Mettre des claques dans la gueule. Et puis c'est ça, t'as envie de se faire titiller. Tu es une expérience. On n'a pas parlé de t-shirt en train de Twitter. Exactement, c'est vrai qu'on a oublié de parler des petites claques sur les fesses avec des Wiimotes. J'ai zappé ce moment-là. Mais ça va, je peux finir je vous laisse 2 minutes le temps que vous terminiez entre vous. Décidément. Ouais, change pas de main, je sens que ça vient. Et donc, sur cet accessoire, justement, c'est exactement l'inverse de ce que je soutiens depuis le début de cette émission. C'est je vois pas de partage avec ça. Et, or le partage, sauf si peut-être on a plusieurs casques et seulement pour le porno éventuellement, ben, je trouve que c'est quand même important, quoi. Et là, je vois ça comme un peu un repli. Voilà, une expérience sympa de 10 minutes, mais bon, 800 boules les 10 minutes, et ce sera un peu moins cher sur PS4, mais ce que j'ai vu, c'était pas vraiment convaincant, hein, ou ça avait l'air pareil, cool, 10 minutes. Quoi. J'aime beaucoup et je suis content, Barberousse n'est pas du tout d'accord, et nous méprise complètement. Non, mais je me suis planté, mais il y a quand même une chose très intéressante que ça va apporter, ça, la réalité virtuelle, c'est qu'il y a pas mal de gens, des gamers fortunés qui vont vouloir essayer la réalité virtuelle, et ça va ramener des gens dans les boutiques. C'est vrai. La boutique va pouvoir faire démo, présenter, éventuellement vendre le matériel sur place. J'aimerais ouais, bien avoir l'avis de quelqu'un qui travaille dans une boutique, je sais pas, on va dire, je sais pas. Bah moi je travaille dans une boutique, on a l'Oculus. Oh, tiens, comme pas. On a l'Oculus, et je peux vous dire qu'effectivement, ça attire énormément de monde, et beaucoup de personnes veulent y jouer. Et généralement, les gens sont assez bluffés, on a une démo Star Wars, on a un jeu d'horreur, on a pas mal de choses. Et c'est que même moi, j'ai essayé, alors bizarrement, on va dire les trois quarts du temps, c'est des démos qui sont assez moches. Moi, j'ai vraiment du mal, je sais que moi, j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. J'ai essayé la plupart des démos, et ça m'a pas vraiment convaincu, mais par contre ça attire effectivement énormément de monde. Tu as le casque, même s'il est pas branché, même si tu peux rien faire avec, les gens se le posent sur la tête, ils essayent de voir un peu comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de questions là-dessus, sur le prix, sur les dates, donc il y aura quand même peut-être un public là-dessus. Et c'est vrai qu'il faut effectivement qu'il y a un côté attraction qui revient, c'est-à-dire tout ce qu'on avait, ce qu'on disait tout à l'heure, le côté arcade, etc. Je pense vraiment, comme tu dis Barberousse, que ça va attirer un public de curieux, hein, des technophiles, etc., puis aussi des gens qui veulent tenter d'autres choses un petit peu dans le jeu vidéo. Donc à voir, moi je suis pas particulièrement convaincu pour l'instant, mais on est entre guillemets qu'au tout début. Ça commence véritablement à arriver à partir de cette année. Il y a aussi HTC, je crois qu'on fait un qui semble être assez étonnant d'après ce qu'on a pu le tester. Donc on n'a pas le prix, mais bon, à mon avis ça va être du 1000€ encore une fois. Mais Oui, mais attends, attirer des curieux, il y a des curieux qui ont été aussi attirés par la 3D. Ah, la 3D qui a disparu au final. Au final, ils nous ont tous refusé des télés 3D, et les producteurs de ciné, ils ont globalement préféré faire des conversions dégueulasses de films 2D plutôt que de faire des vrais contenus 3D dédiés. Quoi. C'est vrai aussi. D'une part, tu t'étais obligé de t'adapter à une niche de gens qui vont voir les films en 3D au ciné, qui les regardent sur leur télé 3D. Et en plus, tu te retrouves face à des coûts de production qui sont aussi plus importants. Alors, je me pose vraiment la question du coût de la production de jeux en VR sur ce type de casque, d'autant plus qu'il va y avoir plusieurs supports de casque. Donc, je sais pas comment ça va travailler entre les plateformes. Mais voilà, je sais vraiment pas comment ça va évoluer. J'ai vraiment des questions là-dessus. C'est vrai que tu soulignes ça, mais c'est qu'un triple A sur VR, sur une machine qui va toucher peut-être 2% des joueurs, ça va pas être évident, hein, parce qu'au niveau rentabilité... Est-ce mais qu'il y a vraiment un intérêt d'avoir un triple A comme ça? Est-ce qu'il y a un intérêt? C'est tout simple. Mais est-ce que c'est vendeur? Si tu veux toucher un grand public, il faut que tu... Tu sais, les gens, ils disent que les Call of Duty cartonnent tous les ans, c'est parce que t'arrives à toucher avec des trailers spectaculaires, etc. Là, si tu l'as pas sur la tête, le truc, tu peux pas vraiment te rendre compte de la sensation que ça fait d'avoir un casque de réalité virtuelle sur la tête. C'est assez compliqué à mettre en place, je trouve, un marketing autour de la réalité virtuelle, parce que si tu ne l'essayes pas, pour te vendre une machine qui est compatible Oculus et l'Oculus, ça va coûter 1500€, voire peut-être même plus. Il faut quand même que tu arrives à convaincre la personne de mettre au moins minimum 800€, et si t'as pas un porte-étendard pour vendre ça, c'est quand même compliqué. Mais ça ne... Faut leur dire de faire de la presque. Même principe, hein. Ça se vendra pas au grand public, ce sera un truc de niche. Ça va tirer au lieu d'avoir c'est quoi le truc pour cuisiner, là, qui cartonne, là, je sais plus comment ça s'appelle, où tu fais des réunions un peu partout. Une femme. Thermomix. Thermomix. Tu veux faire des réunions Thermomix, tu fais des réunions Oculus Rift. Réunion Oculus. Moi, je veux bien, hein. Peut-être ouais. D'animer des trucs Oculus. Ça sonne bien. Mais tu disais, Barberousse, pour toi, ça peut se vendre tout seul. Tu penses vraiment que rien que le fait de... Mais ça se vendra à une niche de joueurs, c'est tout. Mais c'est, ça va quand même être vachement limité. Je veux dire, dans ce cas, qui va développer pour une niche de joueurs? Mais il y a des gens déjà qui développent, tout simplement, les mecs de Keep Talking and Nobody Exposed, de Five Nights at Freddy's, toutes les expériences comme ça, ils développent pour l'Oculus Rift, et pourtant il n'y a personne qui l'a. C'est vrai. Parce qu'il y a des choses à découvrir, il y a des choses à faire, il y a plein de choses à prendre compte, donc c'est possible, et développer un jeu c'est pas si cher, c'est pas vraiment pas du tout le même prix que de faire un film en 3D. Je crois que Euro Truck sera compatible. Ouais, c'est sûrement. Tellement génial. Là on peut... Rien que seulement le fait de tourner la tête, c'est vrai. Rien que ça, t'as pas besoin d'énormément de modifications. Le seul problème que tu vas avoir, c'est le fait d'avoir un clavier devant toi et pas un volant. Mais en termes d'accessoires, justement, on va finir, parce que moi aussi, ce qui me bloque sur l'Oculus, c'est ce qui, je crois, est différent sur le PlayStation VR, ce qu'on pourrait utiliser le PlayStation Move, on va les ressortir de nos placards, c'est qu'on n'a rien dans les mains. Et je trouve que sur certains jeux, comme des FPS par exemple, le fait d'avoir, et là ça pourrait vraiment me convaincre d'avoir un FPS, d'avoir des trucs dans les mains, un peu à la John Woo, tu sors les deux guns comme ça, ça peut être carrément cool. Mais toi, tu voudrais un vrai flingue, toi, dans la main. Ah non, je vais me la jouer Hatred. Je vais aller buter tout le monde dans la rue. Non, mais je trouve que ça bloque un peu de rien avoir dans les mains à part une manette, parce que du coup, je trouve qu'en termes d'immersion, c'est un peu particulier. Mais c'est peut-être qu'il pourra nous dire, mais la gâchette résistive de la Xbox One sont plutôt pas mal. Oui, sensation. Là, pour le coup, dans ce que j'avais essayé, où à chaque fois c'était avec des manettes Xbox, et ça fonctionnait bien. Moi, ça m'a pas gêné cet aspect-là. Je sais que moi, par exemple, c'est un mini-jeu Until Dawn. Bon, bien sûr, comme d'habitude, c'est un truc sur rail, genre train fantôme, etc. Je crois qu'ils arrivent à faire rien d'autre en VR, mais un petit Until Dawn, je dirais, avec des... où tu peux te déplacer comme ça tranquillement, enfin un jeu d'horreur tout simplement. Je pense que si c'est la suite, comment il s'appelle, le jeu d'horreur là où on court dans tous les sens dans un asile, à chaque fois j'oublie mes noms de jeu. Outlast. Ils ont annoncé le 2 et je me dis que le 2 avec un casque, je me chie dessus quoi, même si le jeu est un petit peu... Juste un truc pour essayer, imagine juste Journey à la VR. Ouais, c'est vrai, ça peut être planant. Même Flower, hein. On a vu Flower à la VR, ça doit être incroyable à mon avis aussi. Hein. Peut-être plus Journey parce que tu auras quand même le personnage en lui-même. Tu pourras voir ton corps, l'écharpe, etc. Alors que la fleur, c'est très très éthéré, c'est spécial. Non mais Journey à la VR. D'accord. Ouais, un concert de Journey, c'est ça. Ouais. Parce que on est dedans, on est bien. Bon, bah écoutez, on va tranquillement conclure sur cette partie accessoire. Je voulais quand même vous demander, parce que j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, votre première expérience avec un jeu accessoire, c'était quoi ? Moi, c'était le Zapper de la NES chez un ami. Et c'est là où je me suis dit quand même, avoir un gun dans la main, je reviens toujours au gun, moi je suis très violent comme mec. Sauf qu'on tuait des canards, et c'était quand même plutôt sympathique. C'était ma première expérience sur un jeu avec accessoire, c'était le Zapper à Nintendo. Toi, Ron, tu as joué sur quoi la première fois où tu avais autre chose qu'une manette dans la main ? Une cabine de turbo en arcade en 1981 ou 82, un truc comme ça. Et depuis, en arcade, moi, dès qu'il y avait un accessoire, j'y jouais. Ça te faisait mettre la pièce. Exactement. Et Matt, c'était quoi, toi, ton première expérience accessoire? J'ai sûrement eu quelques expériences avant celle dont je vais te parler, mais dont je me souviens pas vraiment. Mais ma rencontre qui m'a marqué, c'est la rencontre avec un joystick sur Crimson Skies. Un jeu sorti en octobre 2003, il était excellent. Sur PC. C'est vrai. On est dans un univers uchronique qui s'inspire des années 30 à piloter des avions et te battre contre des autres pilotes, mais aussi défoncer du zeppelin au-dessus d'environnements exotiques dans une ambiance de pirate de l'air. Et c'est des dogfights super jouissifs. Bon, j'imagine que la nostalgie joue pour beaucoup là-dedans parce que ça fait 16 ans et que le jeu a vieilli, inévitablement, mais n'empêche que j'ai regardé des petites vidéos de ce jeu. Pour la nostalgie justement, toujours cool. Mais je trouve ça toujours visuellement cool. Il a pas trop avec les briefings de mission, les briefings de mission avec le vrombissement des moteurs, le souci du détail et le joystick à retour de force, franchement ça déchirait. Cool. C'est pas eux qui avaient senti le Sidewinder, c'est eux qui avaient senti ça. Mais nous sur Xbox on jouait avec la manette, c'était aussi. Génial. Ils sortaient sur Xbox aussi, on avait juste une manette et c'était plutôt cool aussi en tout cas. En tout cas. Quel enfoiré. Barberousse, tu nous ressors la loupe? Ah, la loupe, ou alors le NES Advantage, la méga manette pour NES qui nous avait permis avec un peu de passer le deuxième niveau de Star Wars sur NES qui était juste horrible avec le Fugenium. Fallait avoir la NES Presso. Un cœur à avoir le... Ok. Ah mais ça y est, vous êtes en ah ouais, là ça craint, hein. ça commence à puer. Et maintenant ça commence à puer tranquillement. Bon bah c'est sur cette note d'humour que nous allons basculer tranquillement vers la zone libre. Ah, on se détend. On est dans la zone libre du jeu vidéo. On se détend, on est bien, on a parlé des access. Alors sachant qu'en plus il y a Barberousse qui a encore glissé 2-3 liens un peu dégueulasses sur des access PS3 où on peut glisser notre engin, mais bon, je dis rien, mais ce mec est quand même particulièrement incroyablement déviant, c'est pas bien. Joyci R, je vous dis juste que ça coûte. Voilà, googlez ça, c'est juste incroyable. En tout cas si vous êtes tout seul, hein, là, tranquillement, que vous voulez un jeu japonais un peu fripon, bah allez-y, hein, si vous voulez vous amuser un peu tout seul le soir, vous pouvez foncer sur le Joyci R, mais on est responsable de rien, et pensez à le nettoyer quand même après usage, c'est important, si vous avez des amis à qui vous le prêtez. Quoi que ça glisse peut-être mieux après. Oh, quelle horreur. Alors, petite nouveauté dans cette zone libre, on va commencer par un point news par Barberousse. Eh oui, quelques petites news rapides sur le jeu vidéo, histoire de vous mettre en avant ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Malheureusement, l'année dernière, c'est arrêté quelque chose qui était génial, je pense que Matt sera d'accord avec moi, c'était Overwatch. La bêta fermée s'est arrêtée et on a enfin l'information qui va nous dire que la bêta fermée va reprendre, cette fois-ci mi-février. Et surtout, elle va mettre en avant des nouvelles maps et surtout un nouveau mode de jeu qui a toujours pas été annoncé. On sait pas trop ce que ça donne, mais on pourra bientôt y rejouer. J'espère qu'ils pourront tenir leur date de sortie qui sera, si tout va bien, en juin, si je me souviens bien. Oui, sorti mi-février, ils viennent de tuer la Saint-Valentin. Désolé Marie si tu m'écoutes. Salaud! Non, mais c'est une bêta fermée, donc on est même pas sûr qu'on aura encore accès. Ah oui, mais je serai même pas là, moi. Super. C'est pas, enfin. Bonne chance, Marie. Autre news. On a enfin des premières informations du tout premier jeu mobile de Nintendo qui sortira en mars 2016. Oui, je sais pas si vous vous souvenez, la firme japonaise s'est associée avec Dena pour sortir des jeux mobiles. Eh ben, on connaît le premier nom du jeu qui s'appellera Mitomo, qui sera en sorte en mélange entre un jeu, une application sociale, une sorte de Tomodachi Life free to play avec des microtransactions cosmétiques, mais sur portable. C'est le premier jeu qui sortira des 5 prévus avec la firme. Et apparemment, c'est vraiment le début. Alors, je sais pas ce que ça va donner tout ça, mais bon. Pourquoi pas? Je sais pas. Bon, vu toutes les conneries qui marchent sur portable. Il arrivera un jour où les mythes sont plus célèbres que Mario et ça me rend triste. Pourquoi pas, je garderai le pas quand même. Ouais, quand même. On sait jamais. Ah, je les aime bien. Yeah. Les deux lettres magnifiques, on sent bien que dès que ça commence par IE, ça pue. C'est bizarre, hein. Cette fois-ci, c'est Electronic Arts qui essaie de nous refourguer. Cette fois-ci, pour PC, une offre d'abonnement pour leur catalogue de 15 jeux binables pour 3,99€ par mois. C'est un système similaire à celui qui existait sur Xbox One. Ouais. Tu connais peut-être Ron? Moi, je connais. Je suis pas très client, mais je connais. FIFA 14 pour 3,99€ voilà, par mois, c'est bien. Donc en gros, vous pouvez louer, c'est une bibliothèque de 15 jeux là en ce moment, donc Battlefield 3, Battlefield 4 Hardline, Dead Space 1, 2, 3, Dragon Age Origins, Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition, FIFA 15, The Sims 3, Need for Speed Rivals, Plants vs Zombies, Garden Warfare, SimCity et This War of Mine pour 3,99€ par mois. Si vous jouez pas beaucoup. Je trouve ça vraiment pas honteux. Ça peut être éventuellement pas trop mal. Enfin bon, toujours en plus, vous pourrez accéder, ça pourra vous permettre de jouer aux versions démo des jeux qui vont sortir, mais au maximum pendant 10 heures et avant qu'ils sortent, pour savoir si vous voulez les acheter. Donc voilà, on sent bien que l'abonnement a de grands jours devant lui et tout le monde s'y met, c'est dingue ça. Sinon, pour info, ma femme va incarner le capitaine McLaren dans Squadron 42, la version solo de Star Citizen. Et en tant que ma femme, je dis bien Gillian Anderson. dernière news, et là on arrive vraiment à l'enculage total. Je sais pas si Square Enix, les grands amis de Square Enix. Ouais, ils sont sympas. J'ai vu pas mal de trucs sur Hitman, ouais. C'est plutôt généreux. Exactement, ils vont sortir un nouvel Hitman, évidemment, cet été. Qui sera un grand jeu triple A absolument magnifique, sortira en épisode. Alors en fait, la première partie du jeu, ce sera l'intro et puis une map. Et puis après, ils vont vous sortir des maps tous les mois. Voilà. Et sérieux, et avec un collector à 130 boules quand même. Et ils galèrent sur la communication de ce jeu-là, parce qu'à chaque fois, il y a une merde, ils en balancent une nouvelle, et une plus grosse, et une plus grosse encore. C'est vraiment pas gagné, hein. Je sais pas ce qu'ils font en ce moment, mais c'est vraiment une catastrophe. Oh les cons. Non mais je pense qu'ils se sont plus pissés depuis la sortie, enfin l'annonce de FF7, le remake. Ils se sont dit tout passe. Ils sont en mode YOLO, allez tranquille, maintenant on peut y aller. Moi j'ai adoré le collector avec une statuette et une cravate, 130€, et donc un code de téléchargement. Il paraît que les chaussures sont en DLC, je crois. Ah mais c'est bien parti. Et en parlant de n'importe quoi, je passe la parole à l'infirmière Joël. Je sais pas si je dois parler du coup, mais on va essayer d'y aller. Bah oui, je voulais faire le petit point Pokémon parce que est sorti sur mobile iOS et Android l'application Pokémon Shuffle. Alors pour y avoir passé de nombreuses heures sur la New 3DS, C'était quasiment le seul jeu auquel je jouais sur la New 3DS d'ailleurs. Franchement, je vous le conseille, c'est assez cool. Alors, c'est sur le mode d'un match 3, donc c'est du Candy Crush. Bah voilà, vous avez 5 vies, ça va pas vous prendre très longtemps, hein. Ce sera des petites sessions de jeu très sympas. Franchement, je vous le conseille, c'est gratuit, donc bah n'hésitez pas. C'est ce que je joue le plus sur ma DS déjà. C'est vrai? Oui. Ah bah voilà, te fous pas de ma gueule, toi. Ah merde. Non, j'ai rien dit, hein. Je joue qu'à ça sur ma DS. Ouais, ça, donc. Est-ce que quand t'as perdu tes 4 vies, t'as Gérard de Palmas qui arrive et qui dit, qui chante Je n'ai qu'une seule vie? Non, pas encore. Ce sera dans la V2. Tant mieux. Dans la V2, oui. Mon dieu, c'est magnifique. Bah écoutez, Barberousse, merci pour ce point news absolument incroyable. De rien. On a appris énormément de choses, donc on va doucement continuer l'émission et je vais passer la patate chose à Matt qui ne voulait pas en parler parce que lui, il a infirmière ouais, Joël. L'infirmière Joël n'a que des mauvaises choses à dire. Je veux pas savoir d'où ça vient. Mais par contre, tu le portes bien. D'accord. C'est n'importe quoi. Her Story, Matt, c'est un jeu qui a fait sensation en fin d'année dernière. C'est un jeu qui a été nommé de nombreuses fois dans les tops de différents journalistes, joueurs, comme une expérience absolument incroyable, nouvelle, immersive, prenante. En tout cas, moi, je l'ai fini, j'ai beaucoup aimé. Et bah, je voulais savoir ce que tu en avais pensé. Remets-nous un petit peu dans le contexte. Qu'est-ce que c'est Her Story? Eh bien, Her Story, on est devant un vieil ordinateur sur un OS qui a l'air antédiluvien. Et, ouah, putain, j'arrive à placer des mots c'est plein de syllabes, quoi. Incroyable. Vachement bien. Et donc, oh merde. Je dois changer de sujet, c'est ça? Non, c'est bon. Vas-y, concours d'impro. Et donc oui, d'accord. Et effectivement, donc on suit en fait une, on a accès aux interrogatoires judiciaires d'une personne. Est-ce une suspecte? Est-ce un témoin clé dans l'affaire? On ne le sait pas. On va devoir le savoir puisque bah, effectivement, on est plongé dans une enquête nous-mêmes parce qu'on a le droit d'avoir accès à 5 vidéos par recherche, c'est-à-dire que par exemple on recherche le mot murder, il se trouve qu'il y a 30 vidéos dans lesquelles est prononcé le mot murder, et on va avoir accès qu'à 5 de ces 30 vidéos. Donc le but du jeu... Et sur ces 5, tu as Sophie Lix-Bextor qui te fait murder on the dance floor et t'es mal. Exactement. Mon dieu. Et donc le but du jeu, ça va être de varier ses recherches, varier les mots clés pour trouver et voir toutes les vidéos et comprendre le fin mot de l'histoire. Ou pas. Ou pas, si quand même, non? Bah ça dépend, moi je sais qu'il y a pas mal de... Alors, si jamais t'arrives à trouver ou pas toutes les vidéos, parce que tu peux à un moment, il y a un enquêteur qui communique avec toi via un système de chat sur le PC, et tu peux, bah, ou pas, arrêter l'enquête et dire bah tiens je pense avoir compris, et du coup bah tu coupes, tu t'en vas, t'as le générique, et tu peux retourner après pour voir d'autres vidéos, mais tu peux arrêter l'aventure vraiment en cours de partie si tu penses avoir compris en fait la fin de l'histoire. Cette fin là, cette personne qui vient de chatter avec toi, ça se débloque quand même à un moment où t'as vu une vidéo qui normalement fait c'est que vrai. Tu as compris quoi. Mais bon. C'est vrai. Mais bon, si tu es bête, bah, rajoute oui, après, ou pas. Oui. Ça je comprends, oui, effectivement. Mais ça se passe en quelle année? Bah, c'est des vidéos qui datent de 94, je crois. Ouais, je crois que c'est 94 de mémoire. Donc quand tu viens de parler, il y a un son de MSN, tout bah, c'est presque ça, en fait, un logo chat, même si alors, l'année où se passe le jeu, je t'avoue, j'aurais un petit peu de mal à te dire si c'est considéré comme notre époque à nous ou si c'est un petit peu plus tard que il semblerait que ce soit un petit peu plus tard que les événements qui ont été filmés, mais c'est vrai que l'OS qu'on voit, l'écran de PC qu'on voit, c'est vraiment l'écran de PC, je dirais un petit peu vraiment début 2000, c'est pas forcément quelque chose qui semble moderne, en tout cas, peut-être que j'ai loupé quelque chose à ce niveau-là, mais je crois qu'on est un peu... Non, c'est ça, tu crois, c'est ça. Oui, non, mais on récupère un PC qui est de 94 aussi. Ah, d'accord, très bien. Donc, on récupère vraiment une machine qui date, enfin, un système d'archives qui date d'il y a très longtemps. D'accord, très bien. J'avais loupé ça, autant pour moi. Et donc, Her Story, pour toi, c'est pas tip-top. Bah, déjà, Barberousse, il te dira que c'est peut-être pas un jeu, déjà. Bon, ça, c'est un autre débat qu'il faudra revoir avec lui juste après. Mais, effectivement, bah, moi, c'est un jeu qui va beaucoup dépendre des recherches que tu fais, donc, on va forcément pas avoir la même expérience dessus. Donc ce jeu-là, je l'ai fait avec madame en coop et on a assez rapidement trouvé globalement la fin, on va dire, quoi. Donc le problème, c'est que il y a un premier quart de jeu qui est très intéressant, où tu cherches les mots, c'est pas frustrant parce que tu tombes à chaque fois sur des vidéos que t'as pas vues. Et quand t'as commencé à dénouer le fil de l'histoire, pour moi, c'est que justement ça se dilue un peu, et puis t'as de plus en plus de mal à trouver des vidéos que t'as pas vues et qui ont un intérêt par rapport à... Enfin, qui t'apportent vraiment quelque chose. Parce qu'il y a des vidéos où elle dit juste « non ». Ah oui, des fois, t'as des vidéos qui durent vraiment 2 secondes. Voilà, t'as des vidéos de 2 secondes, quoi. T'as des vidéos où elle chante, t'as des vidéos où elle joue de la guitare, enfin bref. Alors, celle où elle joue de la guitare est très importante, par contre. Oui, l'histoire, oui, par exemple. Tout mais, à fait. Mais alors, moi, je vais parler de mon expérience à moi, parce que c'est incroyable, j'ai fini Her Story, j'ai tout débloqué, toutes les vidéos, tous les trucs, j'ai fait 100%. T'as fini un jeu. J'ai fini un jeu, qui se termine en, je l'ai fini en 4 heures, je crois, à peu près. Moi, j'ai vraiment pris dedans. Bon, c'est juste après Noël où je me suis dit, tiens, il était en promo. Je me prends Her Story, on en avait parlé un petit peu avant, c'était vraiment dans mes envies de 2015. J'ai allé, hop, je prends Her Story, je prends le temps, je me pose devant mon PC avec le casque. Et je me suis complètement plongé dedans. Alors, ce qui aide énormément, c'est que l'actrice joue très bien. Alors, je pense qu'on aurait eu une actrice de... Moi, je suis pas très d'accord, tu vois. Moi, je trouve vraiment qu'elle joue bien, et qu'on arrive à avoir un petit peu... Alors, elle est obligée de, des fois, surjouer quand même pour certains trucs, parce que sinon, je trouve ça parfois un peu compliqué pour pouvoir quand même avancer dans l'histoire, mais moi, j'ai trouvé qu'elle jouait bien, j'ai trouvé que c'est au niveau des différents... Je vais peut-être en dire deux trop, mais au niveau des personnages, je trouve qu'elle joue bien. Je trouve que c'est assez juste et assez intéressant. Et du coup, j'étais vraiment pris dans la recherche de mots-clés, à essayer de remettre l'histoire dans le bon sens. J'essaie vraiment de mettre dans les bonnes directions, entre guillemets, les époques, les vêtements, savoir à peu près à quel moment ça correspondait, etc. Et j'ai trouvé que l'histoire était plutôt bien racontée. C'était effectivement original. Alors, je vais un petit peu aller au-delà du « oui, c'est une expérience », etc., etc. Mais pour moi, c'est vraiment un jeu dans le sens où il y a une vraie interaction entre puisqu'il y a quand même une idée de base, c'est un système de recherche par mots-clés, enquête, etc. Et on te laisse un petit peu toi avec ce qui va se passer devant l'écran, et à toi d'agir, d'observer, de regarder un petit peu ce qui se passe. C'est un vrai travail d'enquêteur. Même moi, j'avais mon petit stylo avec pour noter des fois 2-3 détails, des dates qu'elle prononce ou des éléments que je commence à voir, des trucs un petit peu bizarres qu'elle dit. Et c'est vrai que ça m'a plongé complètement dans ce titre-là. Et j'ai pris un gros plaisir à tout découvrir, à tout rechercher, pour essayer vraiment d'avoir le maximum d'informations, quoi. Barbaros, tu l'avais fait toi ou pas? Tu l'avais fait le Her Story? Absolument pas. Très bien. Oui, vas-y Matt. Oui, non, excuse-moi, j'avais juste demandé, c'est la musique de Derek ou pas du tout? Qu'il y avait dans le fond? Non. C'était quoi? Dans de Commissaire Maigret. D'accord. Ah j'étais un peu induit en erreur, parce que pour moi, ce qui est dommage dans l'enquête, la story justement, c'est que ça me faisait penser à une enquête de l'inspecteur que j'aurais Derek. Pu voir chez Derek, quoi. Mon Dieu. C'est lent, c'est en VHS, c'est pas très intéressant. À la limite, je suis plus pressé de voir le Her Story 2 sur une histoire qui serait plus intéressante. Ouais. Mais j'étais un peu déçu de l'affaire en elle-même, quoi. D'accord, ça n'a pas pris du tout... Il y a eu quelques moments de malaise qui étaient vraiment intéressants, notamment avec des par rapport à l'écran en lui-même, mais je n'ai pas envie d'en dire trop. Mais après, globalement, sur l'affaire en elle-même, je suis un peu déçu, effectivement. D'accord, toi, tu n'as pas été emballé par Her Story, donc pour toi, le buzz est un petit peu abusé sur ce jeu-là. Non, parce que ça reste intéressant, et c'est quand même globalement ambitieux comme projet, donc c'est pas très cher payé en plus. C'est vrai, donc, j'ai payé de 3 euros et quelques, je crois, un peu dans les soldes de Steam, donc c'est plutôt intéressant. Je voudrais te critiquer, après voilà, je suis juste un peu déçu de l'affaire en elle-même, et je trouve que la nana, elle joue pas non plus... c'est pas le niveau de Marion Cotillard non plus, quoi. Donc Barbarous, c'est pas un jeu. Est-ce que le jeu a le syndrome Hélène Noire? Hélène Noire, moi j'ai juste fait des petites parties dessus, mais Hélène Noire, on est vraiment dans... Enfin, ça se voulait comme un jeu d'enquête justement de cette époque-là, mais j'ai pas assez joué pour me prononcer. Moi, c'est quand même, il y a plus de gameplay dans Hélène Noire que dans Her Story. Enfin, c'est encore un truc différent pour moi. On est vraiment dans le jeu narratif dans Her Story. Il y a une histoire qui est morcelée, qui tend à être racontée. Hélène Noire, on a quand même quelque chose de différent. En quoi tu le rapprocherais d'Hélène Noire, justement? tout l'idée des acteurs qui jouent, parfois même qui surjouent, qui jouent mal, l'importance comme ça de pouvoir regarder les réactions des acteurs, est-ce que c'est si important que ça? Pour moi, oui. Il faut vraiment faire attention à la façon dont elle va jouer, surjouer justement certains mots pour voir si un mot est important par rapport à un autre. Clairement, on sent que c'est appuyé à certains moments, parce que sinon, je pense que t'avances pas. Parce que, comme le dit à un moment, Matt, il y a des moments où j'étais devant mon écran, comme ça, à attendre, à réfléchir, en plus c'est entièrement en anglais, c'est important. Donc si vous n'avez pas une petite base d'anglais quand même assez sympa pour pouvoir réfléchir à des mots et comprendre un petit peu ce qui est dit, c'est compliqué. Ah oui, ça par contre, oui. Ouais, ça c'est super important. Donc y a des moments où t'es bloqué, parce qu'effectivement quand t'as trouvé la plupart des vidéos, d'ailleurs une petite astuce, je vous dirai pas les boutons, mais on peut aussi débloquer le nombre de vidéos visibles. C'est-à-dire au lieu de 5, on peut avoir vraiment, je suppose qu'on peut aller jusqu'à 15. Ça peut être une astuce. Oui, et autre petite astuce, en fait, sur chaque vidéo, vous avez une petite session où vous pouvez laisser des commentaires. Exactement. Ouais. Et en enlevant ou en mettant un mot sur chaque vidéo que t'as vu, en fait, tu as le moyen du coup de filtrer les vidéos que tu n'as pas vues, ce qui fait que j'ai pu voir toutes les vidéos a posteriori. Ouais, bah c'est un truc que j'ai aussi trouvé vers la fin pour pouvoir vraiment tout trouver, tout débloquer. Et ce qui m'a confirmé le fait que plein de vidéos n'avaient en fait pas d'intérêt. Je pense que c'est fait exprès, hein, pour essayer justement de te faire hésiter, de te faire tâter un petit peu, de passer d'un mot-clé à un autre. Enfin voilà, moi je sais que j'ai apprécié le truc. Voilà, comme tu l'as dit, c'est pas cher. C'est un truc plutôt sympa, je pense, à tester si on aime un petit peu les jeux différents, si on aime les jeux d'enquête, si on aime fait entrer l'accusé, etc. Si vous aimez ce genre de truc, essayez peut-être l'expérience. Moi j'ai trouvé ça assez cool. Alors je reviens à ma question pour toi, Barberousse, en quoi ça ne serait pas un jeu vidéo? On est à la limite. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 15-20 ans, les premiers jeux de rôle ont commencé sur clavier avec des analyseurs de texte où on tapait juste l'action qu'on voulait faire, et en fait l'écran nous renvoyait juste le résultat. Mm-hmm. Aller au nord, et puis l'écran nous disait vous arrivez dans une clairière. Est-ce que là, c'est pas un peu la même chose? Tu tapes quelque chose au clavier, on va te donner une vidéo, c'est à toi de taper autre chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. La différence, c'est que ce que tu décris, bon, c'est plus l'adaptation, on va dire, du livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que tu vas aller à la page 3 si vous faites ça, ou un truc comme ça. Là, la différence, c'est comme on est vraiment sur un, c'est plus un jeu, la Cluedo, tu vois. C'est, t'essaies de trouver une logique à ce qui se passe à l'écran. Mais là, on est vraiment que sur des mots-clés. C'est-à-dire, contrairement à un jeu de rôle de l'époque où tu vas dire, voilà, on va faire telle action, faire tel truc, telle chose. Là, tu vas juste taper ton mot et tu vas avoir des choses, bah, qui vont être un petit peu en rapport, mais globalement, tu vas faire toujours pareil. C'est-à-dire, tu vas regarder une vidéo pour essayer de te trouver un nouvel indice pour trouver d'autres vidéos. Et à la fin, essayer de trouver, la fin mot de l'histoire et essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui est cette personne, ce qui s'est passé dans cette histoire-là, quelle action, pourquoi. Enfin, voilà, c'est complètement différent. On est vraiment dans le jeu d'enquête. Donc on est vraiment dans la peau d'un enquêteur ou d'une personne qui veut comprendre une histoire et qui est dans une bibliothèque et qui ferait des recherches. Enfin voilà, c'est pas sexy vendu comme ça, mais c'est vraiment le jeu. Le jeu, c'est comme ça. C'est un écran, tu tapes ton mot-clé, t'as des vidéos qui arrivent et c'est à toi de te débrouiller pour en trouver d'autres et pour comprendre ce qui s'est passé. En fait. Est-ce que tu as joué à In Memoriam? Non, pas du tout. C'est le jeu de Eric Chahi. Comment il s'appelle? Non, pas Eric Chahi, Eric Viennot, pardon. Ouais, voilà, il s'est planté dans le jeu suivant, je crois, ouais. Mais là, t'avais une véritable enquête, c'était totalement interactif, ça allait carrément au-delà du jeu du vidéo, vu qu'il fallait chercher des réponses sur Internet, etc. T'avais aussi un faux Internet, c'est ça, écoute, voilà. Mais voilà, t'avais un faux Internet. À l'origine, ils voulaient carrément avoir une boîte vocale, des gens qui pouvaient répondre, etc., etc., pour mener véritablement une enquête. Et c'était vraiment, le truc plus, on va dire. Et là, j'ai l'impression que ça reste, entre guillemets, assez basique. Ah bah non, sur ça, hein. C'est-à-dire que là, il tente, entre guillemets, à recréer une sorte de réalité, c'est-à-dire, avant, quand tu jouais à un jeu d'enquête, généralement, ça va être un point and click, où tu vas aller récupérer telle ou telle chose pour résoudre vraiment une histoire. Là, on est, en fait, de mémoire, le créateur de ce jeu-là, c'est le mec qui a fait le remake de Silent Hill sur Wii, où il y avait énormément de passages chez le psy. Et d'ailleurs, c'était les passages les plus intéressants du jeu, où vraiment ils avaient réinventé un peu le style Silent Hill. Et là, ce qu'il a voulu faire, c'est essayer de rentrer dans la psychologie du personnage. C'est là où je dis que du coup, le jeu de l'actrice est quand même assez important, parce que c'est ça qui te permet d'avancer dans l'histoire. Il n'y aurait pas une cohérence dans ce qu'elle fait, tu aurais quand même du mal à croire à ce qui se passe. Bon, il semblerait que Matt soit pas d'accord avec moi là-dessus, mais je trouve que la façon dont elle joue est assez importante dans ce jeu-là. Donc on est effectivement en surface de ça, comme on dit, le quatrième mur n'est pas complètement, n'est pas traversé. C'est-à-dire que In Memoriam, de ce que j'ai compris, c'est que tu allais vraiment dans la réalité, avoir des véritables actions. Enfin, tu faisais un petit peu comme quelque chose dans la vie de tous les jours, en fait. Et ce qui est pas... C'est ton enquête d'où, une enquête de toi derrière. Voilà, c'est ça. Que là, non, pas du tout. C'est, tu regardes vraiment ce qui se passe, tu notes, éventuellement, tu notes sur un bout de papier, mais tu peux aussi le noter sur les vidéos, noter, voilà, de, genre, elle a fait ça, ou elle a fait ça à telle période, ou pourquoi elle a fait ça, elle est bizarre, etc. Mais, il y a pas plus d'interaction que ça. On est vraiment en surface, effectivement. Donc c'est pas hyper profond. C'est plus une question d'immersion, en fait. Si jamais tu rentres dans le jeu, si tu rentres dans ce qui se passe, dans cette petite fenêtre-là, bah ça fonctionne. Après, ça peut ne pas fonctionner sur tout le monde, effectivement. Un peu trop détective, mais seulement avec les parties dans le voilà, présent. Voilà, c'est un peu ça. Avec les, avec juste les voilà, cassettes. Exactement. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez des questions sur Horror Story? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Matt? Non, mais effectivement, j'ai quand même beaucoup apprécié les efforts qui sont faits. C'est-à-dire que quand tu tapes les mots sur ton clavier pour faire la recherche, t'as aussi les mots, tu sens les bruits de la personne qui tape sur le clavier. T'as des petits bruits d'ambiance de la personne qui cherche ses vidéos. T'as quand même et puis t'as des petits instants malaise par rapport à l'écran. Je sais pas si tu vois à quoi je fais référence, oui, mais y a pareil. En ça fait, m'a foutu vraiment le malaise, ce genre de truc. Il y a vraiment des choses qui. Non mais ça peut paraître con dit comme ça, hein, les bruits de clavier, mais ça participe vraiment à l'ambiance. Mais à côté l'immersion, pour moi. Ouais, genre même quand tu regardes une vidéo importante, t'as des détails qui apparaissent à l'écran, des reflets, des effets justement. T'entends des sirènes de police qui sont derrière. Tu peux aussi choisir si l'écran que tu as sur ton écran à toi dans la vraie vie, si y a des reflets, donc si tu vois des néons, etc. Donc y a un petit travail d'immersion qui est plutôt bien fait au niveau de la musique, au niveau des sons. Donc voilà, y a quand même quelque chose d'assez cool à ce niveau-là. Je le conseille carrément quand même. Donc, ouais, pas moi, enfin pareil, moi pour moi, voilà, essayez-le, c'est pas très cher. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors on va passer à un autre jeu plutôt cool, et c'est Punch Club. Alors je sais pas si t'as la musique, voilà, magnifique. Je vais vous laisser écouter un tout petit peu ça, ça donne la pêche. J'ai envie de prendre les gants numériques et de taper un peu sur tout ce qui bouge. Là, vous allez taper du sable hein, en boucle. Hein. Bah, du coup, je vais te laisser la parole, Barbaros. Ah non, vas-y, moi je... Je continue ? Présente. Alors, Punch Club, je suis tombé dessus par hasard. Justement, c'était l'époque où j'étais, l'époque parce que je vais pas souvent sur Steam, donc où je jouais un petit peu à Horror Story, où on m'a offert Euro Truck Simulator et aussi Little League. Et aussi le Blu-ray d'Over the Top, ce qui t'a permis. Ah bah oui, tu ne peux pas jouer à Euro Truck sans avoir le Blu-ray d'Over the Top. C'est l'accessoire indispensable en DLC dans toutes les bonnes Fnac. Et donc, Punch Club, donc je vois le petit logo, putain, c'est bizarre, une espèce de capsule comme ça avec marqué Punch Club, je me dis qu'est-ce que c'est, je clique dessus. Première chose bizarre au moment où je commence à regarder un peu ce qu'est ce jeu, il y avait un système de lancement basé sur Twitch, c'est-à-dire que pour pouvoir lancer le jeu à la vente, il fallait lancer le truc, la chaîne Twitch, et arriver à je sais plus combien de milliers de personnes à faire telle ou telle action, enfin à battre le jeu pour pouvoir vendre le jeu. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je suis un vrai pigeon, moi contrairement aux autres, je paye les pleins pots les prix sur Steam, et du coup j'ai acheté donc le jeu, voilà, directement, je me suis dit, tiens, Punch Club ça me parle, j'ai envie de jouer à ça, en voyant un petit peu 2-3 vidéos avec donc un aspect un petit peu 8 bits, 16 bits au niveau des graphismes, et donc j'ai lancé le jeu, et là, donc on te demande de créer ton personnage, de le nommer. Et là, donc forcément, moi, j'ai pas mal de souvenirs de fighters qui reviennent, vous voyez, kickboxer, etc., Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Et du coup, j'ai nommé mon personnage Netsuko. Et là, j'ai commencé à dire Netsuko, Netsuko, Netsuko, Netsuko. Et moi, je voulais venger Miley, parce que tout le monde sait qu'avec Miley, bonne baise. Et donc je voulais affronter Tongpo, et donc j'ai plongé dans le jeu, j'ai commencé à voir mon personnage, donc bien sûr, alors, l'histoire est pas complètement dingue, on est sur une histoire de vengeance, on voit, je crois que c'est son père hein, qui se fait tuer au tout début du jeu. Son père qui se fait tuer avec un médaillon. Voilà, avec un truc un peu obscur, le mec a un œil rouge, le mec un petit peu mystérieux, enfin bref, donc on sent que le mec il est torturé, il se réveille dans son vieux plumard, réveille-toi, t'es un vieux clodo, tu sais pas te battre, t'as pas de pognon, il serait peut-être ton te bouger le cul, donc là le mec commence à bouger le cul, donc là on veut s'entraîner, et donc en fait on est sur une simulation de Pokémon boxeur, c'est-à-dire on va devoir élever notre boxeur, le faire arriver dans les hautes instances du fight, et donc on va avoir des arbres de compétences, on va pouvoir le faire évoluer, donc on va avoir capacités principales, il y a la force, il y a l'endurance, il y a la vitesse. Donc à vous de voir comment vous voulez gérer tout ça. Moi forcément j'ai fait un méga bourrin, moi j'ai fait un Rocky, j'ai fait un mec qui tape dans l'art, qui est un petit peu pâteau mais qui encaisse et qui tabasse les mecs. Et donc on va se déplacer sur une petite map d'un endroit à l'autre, faire des missions, s'entraîner, essayer de gagner de l'argent. Enfin voilà, c'est vraiment une sorte de petit simulateur de vie un petit peu à la Sims. Ou donc bah, son perso à sa maison, on va aller le faire bosser au chantier, parce que non seulement si tu vas au chantier, bah du coup ça te fatigue, mais par contre ça te rapporte de la force aussi et de l'argent. On peut aussi bosser pour un clown de Steven Seagal dans un restaurant un petit peu louche, faire des missions un petit peu pour lui, faire un livreur de pizza. On va aller faire s'entraîner avec un mec qui ressemble, bah comme il s'appelle déjà, c'est Mickey dans Rocky. Donc il y a le clown de Mickey de Rocky, donc on va rencontrer des gens un peu louches et se bastonner dans la rue, ils vont essayer de nous piquer notre pognon, on va essayer de les savater, alors des fois ça va bien se passer, des fois un petit peu moins. Il y aura des combats de rue un petit peu illégaux, on va se faire repérer par des gens armés pour faire avancer l'histoire. Donc c'est un jeu étonnant, c'est un jeu qui est très très très prenant, enfin moi je me suis vraiment pris dedans, et du coup mes sessions de jeu, des fois tu dis je vais juste faire un ou deux matchs pour faire progresser mon personnage, et au final, eh ben t'en fais plein, tu veux faire passer de niveau, récupérer des compétences, lui donner un nouveau système de coups, parce que franchement en termes de coups il y a plein de choses à débloquer, les musiques sont assez cool comme on l'a entendu là. Bien sûr, moi j'ai pris la version avec la bande originale, hein, parce que je suis vraiment le pichon ultime, donc j'ai dépensé un maximum de pognon. Enfin, je suis assez content de mon investissement, en tout cas, je trouve que c'est un jeu qui est très intéressant à jouer, qui est assez original, et je vais demander un petit peu l'avis de Barberousse, que j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce que t'en penses de ce Punch Club? Alors, un petit point de détail quand même, les combats, on ne les... Ah oui. Voilà, on fait des choix pas. De démarrage, de coups, etc. On choisit les coups disponibles, et puis ça va être un petit peu entre 3, 4, 5 coups disponibles, et puis le personnage va faire des coups disponibles, va parer, va donner un coup de pied, un coup de poing, etc. Et l'adversaire va faire la même chose. Donc c'est comme ça, les combats se déroulent automatiquement, il faut avoir la bonne combinaison. C'est un peu aussi l'idée, ouais. Et on a à chaque mi-temps. On peut changer les choses. Le petit moment où on peut changer les coups. Ça fait un peu l'entraîneur qui est au bord du ring qui dit oui, vas-y, pendant que t'es en train de te faire recoudre l'arcade. Alors vas-y, un coup de jab. Regarde, il a un défaut à gauche, tu changes et tout. Et ça, moi, c'est marrant, mais ça fonctionne. C'est bon, faut pas se leurrer, c'est ultra répétitif. Ah oui, mais il faut vraiment avoir avec la petite musique derrière, avec le côté, la musique de Rocky et tout. Faut être au taquet dans ce type d'ambiance-là. En plus, il y a plein de références, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a dans les dialogues, dans les personnages, dans les situations, on voit que c'est des... Alors, c'est un peu le problème de ce type de jeu indé, c'est que... On tombe un peu dans la facilité du clin d'œil et du coup de coude, mais voilà, après ça fait toujours plaisir d'avoir ton clin d'œil sur des films de Steven Seagal, c'est pas dans tous les jeux que t'as ça. Donc moi j'étais content de voir un mec qui s'appelait Kazek, qui est un espèce de marin chelou, cuisinier marin, dans Piège en haute mer, quoi, donc c'est assez cool. Tu vois, il doit être un ancien... Navy Seals. Exactement, ou alors un mec un peu quoi. Bizarre, donc il y a plein de références aux séries B d'action des années 80, donc c'est un peu, voilà, un petit peu le piège dans lequel ils sont tombés, mais ça fait toujours plaisir, et je pense que sans ça, j'aurais pas acheté, étant honnête, donc ça fait vraiment partie du plaisir, partie du package, donc on est vraiment dans le jeu indé un peu classique, mais, donc comme le dit Barberousse, c'est répétitif, c'est prenant, donc c'est un jeu que tu fais un peu de temps en temps, quoi, en fait, hein. Je sais pas si t'es d'accord, mais... Ouais, c'est un peu ça, oui, alors surtout qu'il y a une mécanique de jeu... intéressante, c'est que ton personnage peut évoluer dans les trois compétences que t'as données, donc force, agilité et endurance, mais son entraînement, la compétence diminue s'il ne s'entraîne pas. Même la nuit, effectivement, il faut le nourrir aussi. Même la nuit, il change une journée, tous les jours, la compétence, tu vas gagner des points avec de l'entraînement, mais tu vas aussi perdre des points dans les compétences à la fin de la journée, ce qui fait que si tu veux rester au top, faut t'entraîner tous les jours. Mais si tu t'entraînes tous les jours, tu ne peux pas aller bosser, donc tu ne peux pas acheter de la bouffe, donc tu ne peux pas te reposer. Donc il y a un équilibre à trouver comme ça, entre travailler 2-3 jours et puis perdre beaucoup de compétences, et t'entraîner pendant 2-3 jours pour les remonter suffisamment pour aller bastonner quelqu'un. Et il y a un équilibre à trouver, et puis trouver les bonnes compétences, etc. etc. Donc c'est très... très répétitif, mais le fait de retrouver de nouvelles compétences, de chercher à optimiser un peu le truc, et puis voir un peu les arbres de skills qui sont face à nous, puis aller au bout de l'histoire, qu'est-ce que ça fait si je vais être champion de la ligue, tiens maintenant je suis méga champion de la ligue, c'est la vraie ligue, je me suis pris une raclée, est-ce que je vais réussir à l'avoir? Ça fonctionne. C'est bizarre à dire, mais ça fonctionne. Il y a une sorte de routine hypnotique. Tu te dis, tiens, je vais faire ça, je vais aller faire un peu d'entraînement, je vais aller taper, je vais aller lever de la fonte. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, t'as ton mec qui lève de la fonte, t'es là sur ton PC comme ça, un peu hagard à regarder un peu tout ce qui se passe. Mais tu peux même pas le laisser lever de la fonte en permanence, puisque au bout d'un moment, l'entraînement devient moins efficace. Donc faut le faire changer de truc. Voilà, moi je trouve aussi que ça fonctionne bien, c'est intéressant. Donc après, bah je pense que Matt va surveiller ça, peut-être pendant une solde, lui qui aime bien Football Manager, etc. Peut-être ça t'intrigue ou pas comme jeu? Bah t'as cité Pokémon et Sims, donc oui. Bah, voilà, tu vois. je sais vendre du rêve. En plus, il est pas cher avec la bande originale, il est à 14 euros. J'ai payé 11,90€. Même pas 10 euros. Il devait être en promo pour ça. Ah merde, bah, je l'ai payé plus cher avant la sortie. Tu parles d'une promo, je me suis bien fait niquer encore une fois. À 13,99€, tu l'as payé. Ah 11. Oui, voilà, excusez-moi, j'ai compris, 10,99€. Donc voilà, Punch Club, c'est disponible sur Steam, donc en version simple ou en version avec la BO, qui est sur assez Google cool, Games Google aussi. Game, hein, si vous voulez pas avoir de... Non, c'est il y a si GOG, il y a pas de DRM, hein, donc si vous voulez pouvoir l'utiliser DRM, tranquillement. Ouais. Voilà, vous pouvez, pour moi, vous pouvez foncer. Si vous aimez un petit peu les films de fight des années 80, si vous aimez ce type de jeu, moi je recommande. C'est vraiment très très cool. La BO est cool. Le côté graphique, bon, c'est très inspiré aussi dans certains systèmes. Je trouve de Hotline Miami dans les bruitages, dans la façon dont les cinématiques se lancent. Mais c'est tout à fait recommandable. C'est moi je trouve ça hypnotique et plutôt bien fichu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant de passer à l'année 2016 qui s'annonce tranquillement? Rhône, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Mais pas du tout. Pas du tout. Oh, bah, écoute, c'est génial. Barberousse. Pas du Et tout. Matt. Non, on enchaîne. Bah, c'est parti pour 2016. Alors en 2016, il va y avoir énormément de choses après l'année 2015 qui s'est plutôt bien passée en termes de jeux vidéo. On va essayer de voir un petit peu bah, avec mes camarades qu'est-ce qui va faire 2016 en termes de jeux, en termes d'événements, bah, tout ce qui entoure le jeu vidéo. Alors on l'aura pas beaucoup entendu pour l'instant. On va pas laisser la parole à Rhône. Alors Rhône, en 2016, est-ce qu'il y a des choses palpitantes qui t'intéressent entre Uncharted, Gears of War 4, Witness, Zelda, Street Fighter 5? Le nouveau Doom, The Last Guardian, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens? Pas tant que ça, finalement. Ah. En fait, j'ai beaucoup de choses dont je suis curieux, dont pas mal de jeux que tu viens de citer. Mais en termes de jeux purement, en réfléchissant bien, bah, j'ai réussi à en sortir que 4 que j'attends réellement avec impatience, qui est finalement très raisonnable. Il y a Quantum Break, parce que un jeu Remedy, moi je suis toujours preneur, et celui-là me fait de l'œil sur son concept depuis le début. Très prometteur, c'est vrai. Donc là, on s'en rapproche, donc j'ai très très envie d'y jouer. Il y a Psychonauts 2, puisque ils ont atteint leur objectif sur leur Kickstarter. Oh, donc voilà, moi j'adore Psychonauts, c'est Tim Schafer, donc voilà, donc c'est devenu une priorité. J'attends l'épisode 3 de King Quest, jeu épisodique de Point and Click. Beaucoup aimé les deux premiers, pas de raison que ça continue pas. Et enfin, en y pensant bien, ben ouais, je suis très excité de revoir Halo Wars revenir en 2016. J'avais adoré Halo Wars à sa sortie. C'était un RTS bien bourrin, avec pas tellement de stratégie. Mais c'était avec RTS un console, effet, ouais, mais carrément, mais ça, je trouve qu'ils avaient trouvé un équilibre qui était très très intéressant. Alors, ça veut pas dire que dans une suite le même équilibre sera trouvé, mais l'univers d'Halo se prête tellement bien à un jeu de ce type. Je sais que j'avais beaucoup aimé. C'est un bon studio, puis s'en occupe. Ceux qu'on fait Alien Isolation, je crois qu'ils sont justement spécialisés dans les jeux de stratégie, mais je crois que c'est eux qui font ça et c'est un bon studio, donc il y a pas de raison. C'est pour ça, moi j'y crois. Je pense que ça va vraiment être très chouette. Alors pour le reste, j'ai vraiment beaucoup de questions. Alors j'aurai peut-être d'excellentes surprises. Je vais retourner à l'E3 cette année, donc je pourrais essayer. Et je le vise en passant. Hein. Tu ne m'emmènes pas à l'E3. Je ne comprends pas. Bah, je comprends pas non plus. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme ça. Pourtant, un animateur de haute volée, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas invité. Je suis vexé. Alors, je vais lancer un Kickstarter. Payez-moi l'E3. Salaud. Donc voilà, je verrai plus sur place parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de promesses sur beaucoup de choses. Les promesses, j'y crois pas trop. J'ai envie d'essayer avant d'avoir un avis définitif sur plein de titres, notamment Uncharted 4. Toi qui es toujours sur Xbox Gen, tu viens de le dire, tu vas aller à l'E3 pour eux. Comment tu sens l'année de la Xbox, parce que c'est un petit peu compliqué, elle relève un petit peu la tête, mais ça reste dans beaucoup de pays, on l'a vu, il y a les chiffres qui sont sortis, elle est quand même en retard par rapport à la PS4, on sait qu'elle rattrapera sûrement pas la PS4, mais comment tu sens cette nouvelle année pour la Xbox One? C'est assez facile, si on regarde les chiffres, les ventes, et qu'on est actionnaire, bah je la sens pas mieux que cette année. ils ont fait finalement des ventes qui étaient pas ridicules, mais comme la PS4, eux, c'est par palette, à côté, comparativement, ça reste très limité. Mais par contre, comme les ventes, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des jeux, et que le patron de Xbox, c'est un joueur, bah des jeux, on en ramasse à l'appel, on en aura encore plein. Donc, de ce point de vue-là, voilà, je veux dire, le marketing, je m'en fiche, j'ai pas besoin d'avoir une machine à la mode. Ce que je veux, c'est des jeux, et une fois de plus, il y en aura, donc ça me tracasse vraiment pas. D'accord, donc tu sens bien l'année sur Xbox One. Toi, pour qui est un gros joueur Xbox, tu la sens plutôt bien, cette belle année qui arrive pour la console de Microsoft. En tout cas, il y aura du matos, quoi. Il y aura voilà, il y aura du matos, et je crois que c'est vraiment l'essentiel au-delà de ça. À vrai dire, j'aimerais bien qu'il y ait du matos aussi sur la PS4 en 2016 pour avoir un peu des regrets de pas l'avoir chez moi. Non, après, en termes d'exclus, il y a quand même des choses qui vont sortir. On a souligné Uncharted 4, des choses comme ça. C'est là où je veux en venir. Il y en aura, contrairement à 2015. D'accord. Et je trouve ça vraiment bien, qu'il y ait une offre plus variée qu'en 2015. Très bien. Matt, 2016, comment tu sens ça, toi? Bah 2016, je suis assez positif et en même temps curieux. T'as mis plein de trucs là pour 2016. Ouais. T'es chaud là. J'attends de voir notamment ce que va faire Blizzard avec Overwatch, donc qui va sortir au printemps 2016. J'attends aussi des nouveaux contenus pour Diablo, parce que Diablo 3, la dernière extension c'était Reapers of Soul en mars 2014, donc ça commence à dater. Effectivement. Rapidement aussi, je suis curieux pour Witness. Ça a l'air chiant. C'est le nouveau jeu de Jonathan Blow, le mec qui a fait Braid. Ça m'attire pas du tout. Qui sort dans quelques jours, là, dans 3 jours, le 26 janvier 2016, ouais. 3 jours au moment où on enregistre, en D'accord. tout cas. Bah, en fait, ça a l'air chiant et à la fois ça me fascine. En fait, ça me fait un peu l'effet d'un Rubik's Cube. Oh, vache. Je me sens con devant un Rubik's Cube, mais en même temps, je me dis, waouh, ça a l'air trop bien si jamais j'avais un cerveau. Parce qu'en pratique, les énigmes, je peux pas supporter ça. Si je trouve pas au bout de 5 minutes, ça me gave et je désinstalle. Avec Witness, t'es mal barré. Voilà, donc à la fois ça me fascine et à la fois je sais pas si c'est pour moi. Parce que toutes les images du jeu que je vois, et quand je vois les gens qui s'excitent, genre, waouh, regarde, c'est chouette, il y a une île, il y a plein de trucs, alors que personne n'y a vraiment joué. Enfin, merde, quoi. Enfin, ok, le mec a fait Braid, donc ça, c'est un grand jeu, voilà, donc je vais pas remettre ça de côté. Mais je sais pas, ouais. Avec son île, il arrive à convoquer un peu les souvenirs de Myst et les trucs un peu... Qu'est-ce que voilà, c'était chiant, désolé, mais c'était chiant, Myst. Myst, chiant, déjà. Oui, non, mais ça, inévitablement, et c'est pas le genre de truc qui m'attire non plus, mais ça, c'est un peu le côté mystérieux, un peu le côté... t'as envie de voir ce qui se cache derrière les ennemis. Je peux en dire une posture, moi, j'ai un peu du mal avec ça. Après, je vais sûrement me tromper, mais ouais, moi, je le sens pas du tout, Witness. Non, mais à voir, hein, pourquoi pas. Je suis plutôt curieux, voilà. Sinon, par contre, un truc qui m'enflamme totalement, c'est Total War Warhammer. 28 avril 2016, parce que rien que les trailers basés sur le moteur du jeu tabassent, et que l'univers Warhammer me passionne pour avoir acheté 40€ pas mal de morceaux de plastique. Alors, on est tous tombés dedans, ça c'est... Donc voilà, ça d'une part. Y a aussi No Man's Sky qui arrive normalement en juin 2016. Alors ça, c'est aussi le gros point d'interrogation. Il sort vraiment en juin 2016? Jusqu'à dernière nouvelle, oui. Après, est-ce qu'ils ont fini par faire un jeu derrière leur truc qui vole là où il y avait rien ou? Écoute, à voir. C'est une énigme. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu. Alors, je pense que ça a un peu fait pour tout le monde pareil. J'ai fait waouh, ça a l'air super cool. Et après, l'année suivante, ouah, ça a l'air cool, mais ok, et qu'est-ce qu'il y a derrière ton jeu? Après, c'est il y en a marre maintenant, tu veux pas nous montrer ton jeu? J'ai l'impression qu'ils sont en train de se mordre la queue, c'est-à-dire ils sont en train de... Les mecs, ils ont mis en avant un jeu, et malgré eux, ça a pris une ampleur phénoménale. Oui, et le jeu, je pense pas que ça sera un triple A, mais c'est vendu comme un triple A, il y a du rêve énorme vendu derrière. Et je sais pas, ça a l'air vide, le côté procédural, à un moment, c'est... Il va bénéficier d'un effet posture à un moment donné, lui. Parce qu'on s'est aussi mis en là, avant. Là, ça a l'air. J'ai beaucoup de respect pour l'équipe parce qu'ils ont l'air sincères et tout, mais je pense qu'ils sont en train de se faire bouffer par l'ampleur de la chose. Bah voilà, j'ai peur que la marche soit un peu haute parce que voilà, les mecs c'est Hello Games, les mecs qui ont fait Joe Danger. Avant, ah ouais, quoi. C'est un petit jeu de merde sur sur console et PC. C'est rigolo, Joe Danger, je sais que par rapport à No Man's Sky oui, non, mais voilà, par rapport à l'ambition du titre d'après, c'est j'ai bizarre. Peur de, j'ai peur du vide. Voilà, j'ai un peu peur que derrière ces milliards de systèmes solaires et d'étoiles, bah finalement il y ait pas grand-chose derrière. C'est quelque part ça me fait penser à Spore, je sais pas si tu te rappelles, le jeu qu'on voyait au JT de TF1. Ouais. Et qui finalement a pas eu le succès escompté. Effectivement, c'est un petit peu tombé dans l'oubli. Sport Barbarousse, No Man's Sky, est-ce que c'est un jeu que t'as un petit peu suivi, toi? Alors là, pas du tout. Mais je sens venir le truc procédural au possible. Non, vraiment okay, pas. Très bien. Alors vous avez un jeu en commun, toi et Matt. Donc Matt, je vais te laisser parler un petit peu tous les deux. C'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Ouais, parce que moi, ça, du coup, je m'inquiète un peu parce que The Division, j'y ai joué à la Gamescom l'année dernière. Donc tu veux nous parler de The Division? Bah, The Division, qui a été le jeu de l'E3 2013. Ouais. Alors c'est là que ça pique. Même Rainbow Six est sorti avant. Voilà. Donc voilà, après Ubisoft a été assez échaudé, on va dire, par c'était comment, Sleeping Dogs évidemment. Sleeping Dogs qui a non, été Watch Dogs. Overpromising. Watch Dogs. Ah oui, pardon, Watch Dogs qui a été overpromising et ils sont fait niquer là-dessus. Donc là, je pense qu'ils la ramènent plus du tout sur The Division. C'est plutôt discret. Hein. Quitte à carrément donner plus du tout d'infos et à vouloir le laisser passer un peu sous le tapis pour l'instant. Mais moi, je peux pas croire que ça soit vraiment de la merde à ce point-là. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Barbarousse, mais visiblement, tu t'es un peu sceptique. Mais je suis tellement méfiant et ça pue tellement la merde. Mais pourquoi? Rien que pour une dernière news assez récente, en fait, dans un des bundles, le bundle mince, Tom Clancy, si tu dépassais, je crois que c'était $15, tu pouvais acheter un accès à la bêta de The Division. Eh ben, je vois pas en quoi c'est un point négatif. Ça pue du cul, puis on a l'habitude que Ubi nous la fasse par derrière, je suis désolé, non, ça pue du cul. Moi, j'ai... Les vidéos qui sortaient, confiance, c'était carrément du downgrade absolu. J'ai joué sur la version One à la Gamescom, et franchement... sur les promesses de monde ouvert, etc., de trucs hyper amples, enfin l'univers hyper travaillé, etc., enfin ça, moi j'ai joué à un team deathmatch hyper classique, donc il y a d'un côté il y a l'espèce de promesse du faux MMO où on peut jouer à plusieurs en coopération dans une ville ouverte avec plein de trucs qui peuvent se passer, et d'un côté la plupart des trucs qui montrent c'est des espèces de vieux modes multi classiques sur des maps fermées. Enfin, le jeu il a été mal vendu, mal promis sur encore une fois un moteur de jeu hyper bluffant mais qui était pas du tout le jeu qu'on aurait au final, et ça encore une fois les gens se sont fait baiser, mais on s'était fait baiser une fois avec Watch Dogs et là clairement c'était de la poudre aux yeux, et là ils sont en train de se prendre le revers dans la gueule quoi, donc moi j'ai vraiment du mal à y croire. Bah si t'as eu cette impression quand tu l'as essayé, Creepers, je l'ai essayé aussi, moi j'ai eu l'impression qu'ils savaient plus trop quoi faire avec leur jeu. Je pense qu'ils l'ont modifié complètement. Parce qu'en fait j'ai joué aussi, ben on a joué probablement le même machin truc, d'extraction, un team deathmatch dans un décor que t'as vu à peu près 200 000 fois quoi, où t'as l'impression que t'as déjà tout fait. Ouais, t'as l'impression d'y avoir déjà joué. Je sais pas combien de fois là-dedans. Et j'ai pas senti du tout de personnalité dans ce que j'ai joué. Donc non, bah c'est le faux jeu post-apo avec épidémie où ton décor est un petit peu transformé, il y a de la neige. Enfin bref, tu vas tomber sur des terroristes qui vont te tomber dessus sur un coin de rue. Il faut travailler en coop, pour essayer de les détourner, etc. Enfin, j'avais vu une remarque passer sur Twitter, c'était assez pertinent. Ça ressemblait beaucoup à Freedom Fighter. Et je trouve que dans la façon de jouer, il y a vraiment du Freedom Fighter, qui est un jeu que j'avais bien aimé à l'époque sur PS2 et Xbox. Mais ça a plus l'air si fou. Et même à un moment, la technique, c'est là où on voit que la technique à l'époque n'avait bluffé avec ça, mais ça fait pas un jeu. Et je pense qu'ils ont été un peu pris, encore une fois, un peu comme les mecs de No Man's Sky devant l'ampleur du truc, sauf que eux, ils ont dû faire l'inverse, et qu'ils sont en train de downgrader le truc complètement. Et on aura sûrement un TPS assez générique dans un monde post-apo avec de la neige, quoi. Bah moi j'y crois, je sais pas pourquoi, mais moi j'y crois. Très bien, bah écoute, on en parlera au moment où le jeu sortira, je pense. Tu vas l'acheter à la sortie, non? C'est pas mon genre, mais pourquoi pas. T'es carrément bluffé. T'auras 8 euros. Franchement, je vais mettre plein pot 8 euros, je pense que je vais l'acheter. Alors on reste chez Tom Clancy, et donc tu crois en Ghost Recon Wildlands. Bah écoute, ouais, parce que c'est du Ghost Recon qui a bouffé du Far Cry 3 et qui a laissé tout le côté 30 millions d'amis, puisque là on est dans du Ghost Recon en monde ouvert avec des missions à accomplir et plusieurs façons de les accomplir, approche discrète, approche grosse bourrin ou approche concentrée vraiment sur les objectifs. Le trailer en tout cas m'a donné envie. C'est vrai que le trailer est prometteur. Ouais. C'est ça, le Ghost Recon monde ouvert, c'est... là, encore une fois, j'ai pu voir une démo assez longue, le 3 l'année dernière, sur ce jeu-là, qui m'interpellait pas mal, parce que je suis un vieil amateur des Ghost Recon. Et alors, sur ce qui nous a été montré, donc le message que voulait faire passer Ubisoft sur les possibilités du jeu, alors, monde ouvert, oui, variété d'approche, oui, mais Ghost Recon, non. Oui, ça, par contre, oui, on est d'accord, oui. C'est ça devient un autre jeu, hein. Je dis pas, du coup, que ce sera bien ou pas bien. J'ai pas trop d'idées là-dessus. Et après, ce sera pas un bon Ghost Recon, sûrement. Voilà, ça ressemble pas je retrouve pas un esprit Ghost Recon dedans. Mais ça a l'air quand même mieux branlé que C'était cool, Advance Warfare sur Xbox 360. J'ai passé plein de bons moments en multijoueur sur ce jeu-là. Et j'ai envie de passer un message, moi. Vous me faites chier que vos mondes ouverts. Putain, sérieux, quoi. Faites-nous des bons niveaux. D'ailleurs, il semblerait que ce soit le point fort du nouveau Rainbow Six, où t'as un niveau fermé, mais t'as des vrais niveaux construits, intelligents, où t'as envie de jouer, t'as envie d'apprendre. C'est relou, les mondes ouverts. Mais non, si, c'est relou. Monde ouvert, ça te permet d'économiser un poste de game designer. Ah, mais clairement, quoi. Ça, c'est bon. Mais c'est trop vrai. Enfin, c'est un vrai problème. C'est le monde ouvert en train de polluer littéralement le jeu vidéo, mais si vous voulez en faire, mais... Voilà. Non, mais Barberousse, il y a du talent, merde. Je sais pas, le monde ouvert. Barberousse, est-ce que tu as envie de parler du monde ouvert? Toi qui es en muet. Toi qui n'ose pas parler. Oh oui, bien sûr. Le monde ouvert, c'est tellement pratique pour créer des cartes automatiquement. C'est génial. Le monde ouvert. Tous les jeux sont en monde ouvert maintenant. C'est juste horrible. Même Kojima, mais il est bien, mais MGS5, enfin voilà, je vais pas revenir là-dessus. Mais bon, passons, oublions les mondes ouverts et parlons de la Nintendo NX. Effectivement, ça sera normalement un grand moment de cette année. Grande énigme aussi, on ne sait toujours pas vraiment à quoi ça va ressembler. On a vu des espèces de brevets déposés, de design de manette chelou avec un écran tout entièrement tactile. Certains pensent que ça peut être compatible PlayStation 4 ou d'autres devices, que ça serait un système de streaming un petit peu comme d'autres trucs. Enfin, voilà, c'est assez vague. On sait que Nintendo est dans un tournant depuis la mort d'Iwata avec le nouveau directeur. Il y avait des trucs déjà lancés, mais il est obligé de reprendre un petit peu le bébé en cours de route. Donc, qu'est-ce qui va se passer, Matt? Pourquoi tu es excité par la Nintendo NX? Je suis excité parce qu'en même temps, je crois que j'ai peur pour Nintendo parce que j'ai l'impression que c'est un virage que s'ils n'arrivent pas à négocier, ils vont être sacrément dans la merde parce qu'ils restent quand même sur des échecs et semi-échecs avec la Wii U et les New 3DS. Ils nous ont quand même refilé des New 3DS avec des processeurs soi-disant vachement mieux pour pouvoir accueillir des jeux vachement mieux. Je me suis fait baiser aussi. Ouais, donc c'est super, quoi. Et voilà, je sais pas jusqu'à quand leur capital sympathie va leur permettre d'éviter les grosses critiques de fond qui se prennent quand même depuis plusieurs mois. Ça fait des siècles qu'ils s'en prennent, des critiques de fond, quoi. Ouais, mais d'autant plus depuis ces derniers mois, parce qu'ils étaient assez tranquilles avec le succès de la Wii et des consoles précédentes, même si c'est un peu moins vrai. Voilà, mais je les attends vraiment au tournant. J'aimerais bien qu'ils s'en sortent et que la Nintendo NX nous surprenne. Quand tu es encore fun. Oui, vas-y, Ron. J'ajoute très bien un petit truc là-dessus, parce que le Nintendo, je crois que j'ai arrêté depuis la Super NES, en fait. C'est la dernière Nintendo sur laquelle j'ai vraiment joué. C'est un univers qui m'a lassé très très vite. Et, moi je suis un grand garçon. Il y a de ça peut-être, mais tu vois, je dois retomber en enfance parce qu'aujourd'hui, au niveau des consoles, l'absence de personnalité entre la PS4 et la Xbox One commence à m'ennuyer. Et je dois dire que ça fait remonter énormément mon capital sympathie pour Nintendo. J'envisage très sérieusement de m'acheter une Wii U. Alors, je veux dire, j'ai envie d'avoir une machine qui a de la personnalité. Alors, je l'ai pas mis dans ma liste parce qu'on sait vraiment trop rien. Donc c'est dans le domaine de la surprise, mais c'est quelque chose que je surveillerai avec un œil très attentif, et il est clair qu'à l'E3, j'irai traîner mes guêtres du côté de chez Nintendo. J'ai peur que ce soit l'année où ils partent dans tous les sens. C'est-à-dire que là, ils vont aller caresser tout le monde. Je pense qu'ils vont aller te caresser toi, te caresser moi, qu'on se caresse entre nous. il est très dans la caresse, le titi. Je pense vraiment, je sens vraiment le virage. Ah, les hôtesses sont sympas. Je pense vraiment, je sens le virage où Nintendo va aller essayer de vous voulez qu'on fasse ça? Bon, on va le faire. Ça y est, maintenant, on a plus vraiment de frein. On va essayer d'aller gratter partout et on va prendre du pognon et on va aller suivre tout le monde. Vous voulez qu'on vous suive? Eh ben, on suit. Et on mettra Mario n'importe comment. Enfin bref, ils le feront déjà un petit peu. Mais là, j'ai un peu peur du virage. Du gros virage Nintendo. Moi, ça me fait un petit peu peur. Allez, on oublie Matt. Parce qu'on en a marre maintenant d'avoir entendu un... entendre parler. Bon, ça, je peux comprendre. Allez, Barberousse, c'est à toi. Tu as pas mal de choses aussi hein, dans ta besace de 2016. Et toi aussi, tu as Overwatch. Bon, j'ai déjà parlé Overwatch, oui. Bah, juste parce que Blizzard, quoi. Ça fonctionne très bien, la bêta fonctionne, donc on va voir ce que ça donne. The Division, juste pour voir à quel point ça va être naze. Tu Deus l'attends juste Mankind pour Divided. Voilà. C'est sympa. Des cas post-apo. Rising of the Tomb Raider, que j'ai toujours pas fait, qui est pas encore sorti sur PC, qui va pas tarder. Fin de mois de 26, je crois aussi, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Inside, j'aimerais bien avoir des infos sur Inside, le prochain jeu des créateurs de Limbo. Toujours pas de nouvelles. Et tu crois que c'est cette année Inside ou c'est prévu pour cette année? Non. Non. Mais ah, je crois j'aimerais qu'il... au si, moins si. Avoir des nouvelles. Si, si, je crois qu'il sort en Outside. Oh là là. Voilà. Il est tard. Ouh. Et les chansons, bonsoir. Ouh. Sinon, en dehors du jeu vidéo, j'aimerais bien connaître un peu, savoir ce que va faire le NESBlog dans la suite. Vu que là, ils ont terminé leur contrat avec jeuxvideo.com. Ils vont souvent nous faire des trucs pas mal, ils sont en train de mettre en ligne, entre autres, les conférences, encore d'un autre intérêt, ça va être le Stunfest cette année, nouveau Stunfest, que j'attends avec impatience, et sinon ça va être la SGDQ pendant l'été, le Summer Game Dance Week, déjà que la version hiver m'a laissé sur les rotules, j'attends un petit peu cette version de l'été. T'as fait ça que ça pendant tout, c'était quoi, ça dure combien de temps, 4 jours, 2 jours, une semaine? C'est une semaine. Il faisait que ça pendant une semaine. J'étais en arrêt maladie, j'ai mis une semaine pour m'en remettre quand même, mais. Tu t'es dit, je vais me crever encore plus, donc je suis malade. Qu'à faire, autant profiter. Et Deus Ex. Et Mankind Divided, mais au final, pas grand chose. Ouais, y a rien de fou, là, en termes de jeu. T'as pas relevé grand chose. XCOM 2, quelques points positifs, des originalités, ouais, celui-là il m'intéresse. Mais t'as oublié FIFA 17 aussi, non? Ah oui, et Football Manager 2017. Ouais, il semblerait que les grilles sont encore mieux faites en 4K, ça va être incroyable, les grilles de Football Manager, ça va être fou. Bon alors, Creeper, et toi tes attentes alors? Parce que tu nous laisses parler, mais bien sûr, il faut que le chef nous donne les attentes. Ouais, mais moi je me disais, tiens, je parle trop, mais je vais quand même vous dire un peu ce que j'attends. Donc, il y a forcément la NX, je l'ai dit, j'ai peur, mais forcément une nouvelle machine, ça rend toujours les joueurs curieux. Donc, ça va faire partie, je pense, de la grosse hype de cette année. Et donc, il y a le jeu que j'attends cette année. Bah, c'est un peu Uncharted 4 pour voir comment ils vont conclure tout ça. Est-ce que les craintes de Rune, c'est-à-dire d'avoir un peu comme le 3 un jeu assez un peu trop linéaire, un petit peu trop dans l'explosion et dans le spectaculaire, va retrouver un peu l'équilibre du 2 qui était absolument magique, Uncharted 2. Donc j'espère vraiment que Naughty Dog va y aller au taquet et nous offrir vraiment une conclusion vraiment digne de ce nom, parce que normalement ça fera vraiment le dernier Uncharted, même si j'ai un peu peur du syndrome Star Wars, que ça soit racheté par je sais pas qui et qui donne ça à un studio un peu zarbi comme avec Gears aussi. En parlant de Gears of War, même si je pense que je suis passé à autre chose, je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire, même si j'ai peur du syndrome celui de trop, vraiment vraiment celui de trop, parce que ce que j'ai vu m'excite pas des masses, mais je suis quand même curieux. Mais Street Fighter 5, voilà, février, les gars, attention, Street Fighter 5 pour moi c'est important, chaque Street Fighter. Il va falloir que je joue que à ça pendant au moins une semaine pour me mettre à niveau et commencer à jouer tranquillement en ligne. Donc Street Fighter 5, c'est vraiment le jeu de baston de cette année, largement au-dessus de Tekken 7 je sais pas quel autre jeu de baston pour arriver à ce niveau là mais je mise beaucoup sur Street Fighter 5, donc j'espère ne pas être déçu. Capcom avait pas annoncé une exclue PlayStation pour Street Fighter 5? Alors Street 5 sur PlayStation et PC. Mais justement, pas de Xbox. Non, pas Xbox. Donc, ça sera, je crois que c'est financé en partie par. Ça va faire mal, ça. Un peu comme Tomb Raider, en fait. Hein. Ouais, je sais que tu t'en fous, toi. Il y a plein de joueurs que ça intéresse. Et c'est vrai que Capcom, le fait d'avoir une exclue Street Fighter V, alors sûrement comme Tomb Raider temporaire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est que PC et PlayStation 4. Parce que là, tu t'achètes un stick pour jouer? Alors, je vais pas faire la même erreur qu'à l'époque de la One, parce que j'avais acheté un stick, mais j'ai pas joué avec. Donc je pense me prendre la petite manette avec les 6 boutons, tu sais, qui ressemble un petit peu à la manette de la Saturn. D'accord. Il y a quand même les... une manette pour pouvoir jouer, parce qu'avec la DualShock, c'est impossible. Ah bah non, moi j'aurais pas la DualShock, hein. Alors, DualShock Street Fighter, c'est juste pas possible. Donc soit je prends la manette, soit... Mais alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai plein de sticks arcade à la maison, mais à chaque fois, comme tu changes de console, bah on parlait des accessoires, bah c'est pas compatible. Donc du coup, tu l'as dans le cul, tu dois repayer un stick hors de prix pour pouvoir jouer à ton jeu de manière correcte, et ça c'est un petit peu un problème. Et le jeu, à chaque fois je dis le jeu, mais là c'est Doom, le bourrin qui est en moi ne peut résister à l'arrachage de bras pour tabasser les mecs avec. Donc voilà, j'ai joué un petit peu à l'alpha de Doom, j'ai passé un bon moment dessus, un truc un petit peu old school, donc ça parlera pas à tout le monde, je pense qu'il y en a une paire qui vont trouver ça un peu nul, un peu trop vieux, patati trop violent, patati patata, mais je pense que Doom peut être le défouloir absolu pour moi cette année. Et personne n'a parlé de Zelda, mais ça a l'air aussi assez cool, Zelda. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses, Mirror's Edge, FF15, même si je pense pas que ça va sortir cette année. Donc voilà pour mes attentes, et je voulais aussi signaler quand même la sortie normalement de 2 films, même 3 films, ou 4, je sais plus, j'en ai noté 4, Assassin's Creed, avec Michael Fassbender, donc pourquoi pas. Visuels sont aussi, cool. J'espère qu'on n'aurait pas les bugs graphiques du jeu. Ouais, on va juste voir sa mâchoire qui bouge. Il devrait le faire au moins, juste pour rigoler, il devrait le faire au moins dans les bonus de fin. Il y aura aussi Warcraft. J'aime bien le réal. Je pense que l'univers peut proposer quelque chose de plutôt sympa en termes de film. Tu crois pas, toi? Non. Très méfiant. Ouais. À voir. Un peu rigolo. Pourquoi pas. Moi, je suis bon public. Je pense qu'il y a moyen de se marrer quand même avec des orques qui se foutent sur la gueule. Je trouve ça plutôt cool. Il y a aussi un film Ratchet & Clank et Angry Bird. Mais là, j'en ai strictement rien à foutre. Ah non, mais j'ai pas mes attentes. Là, c'est plus ce qu'il va y avoir en film adaptation cette année. Sachant que j'ai vu Hitman, l'agent 47, et que c'était dégueulasse. Mais voilà. Je pense que Warcraft, c'est nul. Je l'ai vu aussi. Quelle horreur, ce Hitman. Ah, c'est nul à chier. Oh, même le premier semble être un chef-d'œuvre à côté. Quoi, tellement c'est à chier. Donc voilà pour mes attentes de 2016, et voici le point moins cher que gratuit de Barberousse. Et moi je suis joueur PC, je suis sympa, je vais vous proposer de jouer pour pas cher, voire même encore moins cher que gratuit, à des jeux vidéo cette année. Cette année jusqu'au 5 février, puisque jusqu'au 5 février sur Xbox 360 et Xbox One, vous pourrez recevoir gratuitement The Witcher 2. Ça vous fera jouer un bon jeu, moi une fois de temps en temps. Merci Barberousse. Et puis l'avantage c'est que c'est rétrocompatible, donc c'est de ça que ça rentre en compte dans la Xbox One, donc vous avez un jeu gratuit. Encore un jeu gratuit. Autre chose, un MMO free-to-play qui vient de sortir, c'est le Blade and Soul. C'est un MMO version arts martiaux et un balance Shin médiéval, Jet Li, Kung Fu dans ta face, le guerrier de la montagne volante, les poignards volants. Tes cartes à ciel avant d'âme. Voilà, c'est ça. C'est cool, c'est rigolo, c'est un MMO, bon, c'est sympa, c'est gratuit. Merci Barberousse. Autre chose, oui, apparemment au moment où ce podcast va sortir, c'est un petit peu trop tard, mais vous pouvez récupérer The Nomad Soul en version gratos sur Steam à travers la boutique The Square Enix, puisque pour le décès de David Bowie, Square Enix s'est décidé à nous l'offrir en France, alors qu'il l'offrait partout dans le monde, mais pas chez nous. Enfin, donc vous pouvez encore avoir un jeu gratos. Merci Square Merci Enix. Merci ah, mais vos gueules. Et le dernier, le jeu qui va vous occuper au bureau. Ou au bourreau avec les autres cons, là. Si vous voulez occuper les bourreaux, pensez-y. Si vous avez un tortionnaire près de chez vous. Un jeu de bureau. Alors, on va essayer ça. Ça fait penser à quoi, ça? En 3. En pyramide. Exactement, c'est un peu la reprise de Pyramide. Mirantons, c'est un jeu qui s'appelle Luxiflare, LEXIFLAIRE.fr. Donc, faut jouer à Pyramide, mais avec quelqu'un sur le net. Donc, vous allez devoir faire deviner un mot. Il va vous taper un mot, faut en taper un autre, et vous avez 4 chances pour réussir à trouver le mot. Voilà. C'est très con, c'est très rigolo, c'est gratuit. Heureusement. Ah, merci Barberousse. Ah ouais, merci. Et ça vous permet de vous occuper. C'est toujours mieux que travailler. Candy Crush, le film. C'est quand même mieux que de travailler aussi, franchement. Oui, aussi, franchement. Travailler, c'est trop nul. Mais écoutez, Barbaro. Pivoler, c'est pas bien. Merci, merci pour ces superbes conseils d'achat gratuits. C'est quand même assez rare que, voilà, on vous fasse pas dépenser d'argent par ici. Généralement, on vous fait acheter des jeux. Bah voilà, bah c'est le moment de faire la conclusion. Bah, dites donc, les amis, on a passé, un certain moment, hein, ensemble. Je sais pas combien de temps on a causé. Je pense que vous avez senti au fur et à mesure que ma voix commence à baisser parce que je suis fatigué. Mais donc, c'est la fin de l'émission et c'est le moment de vous faire des bisous et de remercier les personnes avec qui j'ai animé tout ça. Bah merci Matt d'être venu parler de jeux vidéo. Vous allez me manquer. Donc rappelle-nous, hein, tout ça pour ça, hein, ça c'est important. Tout ça pour ça, le podcast humoristique. Je me fais rire moi-même. Mon voilà, vous l'avez vu au fur et à mesure de cette émission, hein, le point rire et chanson, c'est grâce à Matt, c'est important. Et vous pouvez avoir ce petit point chez vous, dans votre baladeur, avec tout ça pour ça. Voilà. Ron Xboxygène. Dis donc, même dans les crédits de fin, je passe après Matt maintenant. Eh oui, maintenant c'est comme oh ça. Oh la vache, la déchéance. Bah, la déchéance. Ouais, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver là. C'était. Ouais, c'était t'as fait cool. Du bien aussi de discuter. Hein, qu'on se remette, qu'on puisse repapoter un petit peu ensemble là. Donc on essaiera de trouver un sujet un petit peu plus ouf pour la prochaine fois que les accessoires. On voulait quand même en parler un petit peu par rapport à Steam. Mais donc tu es toujours sur Xboxygène, éditorialiste, et je fais plus toujours test, le sol, etc. J'ai trop le temps, ça me prend trop de temps de tous ces podcasts. Alors j'y reste, toujours mes petites rubriques rétro dans des articles que j'écris le week-end qui parlent de toutes les consoles, pas seulement de la Xbox. Venez donc sur Xboxygène nous rejoindre. Bah d'ailleurs, tu fais aussi un point sur l'histoire de la Xbox, qui est plutôt sympathique hein, de temps en temps. Et qui marche très bien, je suis super content, les lecteurs aiment beaucoup, donc bah voilà, je continue, c'est tous les week-ends. Et donc aussi un podcast sur Xboxygène, tu peux faire ta pub aussi. Et qui va être diffusé, alors si je calcule le temps de montage, qui a été diffusé il y a 2 semaines pour le dernier. Là. Où tu rappes. Et oui, absolument, exactement, le générique de fin, c'est moi qui le fais, alors je vous demande quand même d'aller d'écouter, hein, d'aller voir, c'est le bruit de fond qu'on diffuse. Je trouve que j'ai trouvé ça plutôt sympa, honnêtement. Bah attends, je mettais ça dans ma jeunesse, j'ai dû me rappeler comment on faisait un petit peu, ça n'a pas été facile d'en refaire un, mais... Ça, c'est comme les Marvel, faut rester après la fin, quoi. MC Ron, c'est ça, faut bien rester jusqu'au générique. Voilà, MC Ron, si vous voulez écouter un petit peu de rap, écoutez le bruit de fond, le dernier podcast d'Xboxygène, avec nos camarades d'Xboxygène, je vous rappelle avec qui on est partenaire sur cette émission. Barberousse, Quid Novi, la playlist, toi aussi tu es un homme très occupé. Très occupé, surtout que maintenant c'est les autres qui me font mes podcasts, donc j'en profite. Mais c'est génial ça. C'est l'avenir. Vous faites faire vos podcasts par les autres. Ça, du coup, j'arrive à te faire bosser quand même ici, c'est cool. T'as le temps. Ah non, ouais, je vais vous faire bosser en plus, vous allez voir. Oh merde. Ça craint. Eh ben, écoutez, oui. On a dit merci à tout le monde, donc c'est le moment de vous dire merci à vous, merci de nous écouter, merci de partager. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on se donne rendez-vous le mois prochain. Voilà, pensez à laisser des commentaires, des petites étoiles sur iTunes, tout ça. On vous dit à bientôt. Salut les amis. Bisous. Salut. Allez.